Rebonsoir, ma chère sœur. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai le mail devant moi, j'ai ton mail devant moi. Voilà. Je crois que la partie, je vais lire pour te résumer un peu ma situation. Dieu m'a délivré il y a 8 ans de cela des djinns des plus dangereux sectes du monde, au monde, Sukiyo Mahikari, dont j'ai Oui. pratiqué l'art spirituel pendant 10 ans. C'est ça? Oui, mais je n'ai connu la vérité sur la vie chrétienne et la nouvelle naissance que depuis 1 an et demi. Voilà. Donc voilà l'essentiel. Parle-moi, ma soeur. Étudie mon frère, il faut qu'on parle. C'est mon feu père, ancien résurrectionniste et adepte de beaucoup de choses occultes qui m'a fait initier à cette secte. À cette secte. Parle-moi, ma soeur. Mais c'est vrai que tu as des grands témoignages qui pourra éclairer les gens dans le monde entier. Oui, je veux bien témoigner. Moi, ça ne me dérange pas de témoigner. Par exemple, si je suis avec des frères maintenant, public, voilà, quand je me retrouve avec des frères physiquement, je témoigne, je leur dis. Bon, mais tu sais qu'il te Parce faut que. tu sais qu'il te faut la délivrance, non, ma soeur? Oui, enfin, oui. Là, clairement, avec les frères que j'écoute, je partage avec tout ce que j'ai entendu sur le fait, et j'y ai cru pendant un moment sur le fait que, voilà. Quand on a l'esprit de Dieu, vraiment, c'est vrai que vraiment le Seigneur m'a visité puissamment l'année passée et j'ai tourné le dos à tout, j'ai refusé, je suis sortie, mais vraiment, mais c'était une délivrance pour moi parce que je vivais ma vie, mais dans la souffrance, mais je ne voyais pas où est le problème jusqu'à entendre la vérité que j'ai jamais entendue, que je ne comprenais pas en lisant certains passages non plus. Enfin, je suis tombée dans ma détresse, j'ai commencé à crier au Seigneur. Et puis je suis tombée sur le site Jésus-Christ. Voilà. C'est la première fois aussi que j'ai entendu certaines vérités. J'ai fait waouh, ben c'est ça au fait, c'est ça au fait, c'est ça au fait. Donc je comprenais au fait ce qui n'allait pas. C'était des soulagements, beaucoup de peine et de souffrance et de pleurs, mais de repentance et de joie et tout ça. Donc voilà. Et j'ai tout mis à plat avec mon mari. Et là, depuis 1 an et demi, mais il n'y a plus. Je ne fais plus aucun compromis. Ma vie, vraiment, c'est dans la sainteté avec le Seigneur. J'aime la parole. Je veux obéir à cette parole. Je veux vivre que cette parole. Bon, alors à la base, avant de toucher le cadre du foyer, parle de ton enfance et de l'initiation avec ton papa. Ton papa, comment il est entré là-bas et comment vous avez grandi cela? Voilà, mon papa, ben, quand on était petit, depuis très petit. Moi, je remarquais des choses, mais je ne comprenais pas trop. Enfin, il y avait toujours beaucoup de conflits avec ma maman. Mon papa, c'est un ancien douanier, inspecteur des douanes du Oui. Bénin. Il est d'origine togolais et puis il a émigré au Bénin. Donc, il a épousé ma maman qui est béninoise, mais aussi. Donc, ben, quand on était petit déjà, on vient d'une partie du Togo, là. Et mon frère, tu sais que le Togo et le Bénin, voilà, c'est Oui. le siège du Vaudou et tout ça. Oui. Donc, on vient d'une partie du Togo, de Anéro, où dans notre famille déjà, on faisait toutes les pratiques là, de Mamiwata, de tout ça là et tout. Oui, On oui. nous amenait au village Agoué chaque année pour faire le culte des ancêtres, pour donner à manger aux ancêtres, tout ça quand on était petit. On a été habitués à ça. Et puis petit à petit, ma mère a commencé, je crois, à dire non. Enfin, je voyais petit à petit, ben, on ne faisait plus. Ma mère aussi, sa famille est païenne. Sa maman était une adepte de vaudou, une sorte de vaudou au Bénin qui s'appelle Tron. Et c'est un truc très, voilà. Sa maman était adepte de ça. La famille de ma maman aussi était adepte de ça. Puis petit à petit, elle a commencé à aller à l'église catholique, mais avec moi en même temps. Parce que quand j'étais petite, on nous a mis dans une école privée catholique. Oui. Et les directeurs de cette école, ils ont donné, comme tu le dis souvent dans les enseignements, la parcelle pour l'église catholique dans notre quartier. Donc Donc, tu entends tout ce qu'il dit souvent, hein? mon frère. Donc, du coup, c'est nous les élèves, voilà, les élèves de cette petite école-là, privée-là, qui étaient les premiers cobayes de l'église catholique du quartier. Donc, ça a commencé sous les paillotes, là, et on nous faisait un peu le catéchisme, là, petit à petit, avant même qu'on construise la maison en pierre, avant que ça soit devenu maintenant une des plus grandes églises catholiques à Cotonou. Donc, petit à petit, je commençais, puis je traînais ma maman. J'avais toujours cette soif et cet amour de Dieu-là, de je ne sais pas d'où ça vient, toute petite. Je traînais ma maman à venir, quand, voilà, et petit à petit, on s'est fait communier le même jour. Moi, on m'avait déjà baptisée quand j'étais enfant avec mes frères. J'avais 5 ans, mes frères 3 ans. Enfin, on m'avait déjà fait baptiser à l'église catholique. Même s'ils n'y allaient pas, mes parents, ben, ils sont allés faire ça, je ne sais pas où, dans une autre église avec d'autres familles, d'autres Oui, parents. oui. J'ai vu les photos après, j'ai pris. Donc, ben, moi, j'étais déjà baptisée. Du coup, ma maman a demandé la permission. Elle a demandé la permission à son mari. Quand son mari donnait, elle allait. Donc, ma maman elle a suivi les cours de catéchisme. Et on s'est fait communier le premier jour, le même jour, ma maman et moi, j'avais 11 ans. Oui. Et voilà, et mon papa était tout fier, il nous a organisé toute la fête et tout, mais on n'avait rien à faire. Oui, mais attends, mais Donc, on a fait ça. entre temps, ton père était déjà rosicrucien. Oui, quand j'avais 11 ans, là, je crois, oui, il était déjà dedans, je pense. Oui. Il était déjà dedans, il a fait du christianisme céleste, il a fait plein de choses. Il était déjà dedans. Je ne peux pas situer exactement depuis quand, mais depuis petit, il était dedans, très longtemps. Et donc, voilà, après, on s'est fait confirmer, ma maman et moi. Et puis, on a continué nous, ma maman et nous, mes frères, elle a continué à aller à l'église catholique avec nous. Donc, du coup, petit à petit, elle est sortie des trucs ancestrales, là, des Les affaires coutumes, ancestrales, là, et les tout. coutumes, oui. Voilà, et ça a commencé à créer de plus en plus de conflits avec mon père. Du coup, on a toujours été scindés dans la famille. Mais entre-temps, mon père et moi, on était liés. Mon père, il m'aime beaucoup et moi aussi, je l'aimais beaucoup. Mais j'étais attachée à lui sans savoir trop pourquoi. Et j'étais, au fait, comment dire, entre ma mère et mes frères, j'étais entre ma mère, mes frères et mon père. Donc, j'ai porté ce fardeau-là toute petite de voir la souffrance de ma mère, de mes frères, parce que mon père les maltraitait, les méprisait tellement. Et moi, j'étais la fille chérie, il a toujours tout fait pour moi, j'ai toujours tout, il m'a toujours traîné partout. Oui. Quand je dis traîné partout, il m'amenait partout, il a eu beaucoup de maîtresses. C'est là même, voilà, un de mes gros traumatismes. Il Oui. me traînait partout chez toutes ses maîtresses. Et bon, il me laissait, voilà, dehors, et puis il était avec les maîtresses, enfin pas dehors, au salon par exemple, en tout cas. Mais voilà, j'assistais pas à des choses physiquement choquantes ou quoi. Et je n'ai jamais eu de souvenir d'avoir subi un sévice corporel ou quoi que ce soit, ou sexuel ou un abus, rien de mon père, j'ai jamais ce souvenir physique. Donc, petit à petit, je grandissais, je nourrissais en même temps la haine pour lui, mais en même temps, je l'aimais tellement, je savais que je ne pouvais pas m'en détacher, en fait. Et je menais une double vie, je faisais tout pour être la fille parfaite de papa, pour qu'il Il ne se ne fâche voit pas. pas rapport à moi, pour moins maltraiter ma mère, en fait. Donc, je souffrais, donc ça a été ma vie comme ça, voilà, en gros, toute mon enfance. Et je sais parce que j'avais des collègues, d'autres camarades, que leur père aussi était rosicrucien et tout. Et eux, les filles, elles me parlent, elles nous parlent de, elles sont des colombes à la rose-croix et tout. Mais mon père m'entraînait partout, mais il ne m'a jamais amené. J'ai dit toujours physiquement, parce que Oui. maintenant, avec tout ce que je sais, la parole de Dieu et tout, je me dis, peut-être c'est mystique. Occultement, il m'amenait sans que je m'en rende compte physiquement, Oui. mais il ne m'a jamais amené. À la loge de Rose-Croix ou aux réunions de la Rose-Croix. C'est-à-dire qu'il pouvait m'amener chez des gens, voilà, visiter des gens. S'il y avait, par exemple, il était actionnaire à la BOA. Quand il y avait la réunion annuelle de tous les actionnaires, ils venaient de tous les pays, d'un peu partout, à la salle de conférence à l'hôtel Sheraton à Cotonou, ben, il m'amenait. Et puis quand ils ferment la porte là, de conférence, ils font leur conférence, je restais à la hall d'accueil avec les hôtesses. Et puis, quand ils finissaient leur réunion, eh ben, j'assistais au cocktail et au Au repas banquet, avec oui. lui. Voilà. Donc, je suis accrochée au bras de mon père. Il y a certaines maîtresses qui s'énervent pour ça parce qu'ils disent que c'est sa fille, sa femme ou quoi. Donc, voilà. Et j'usais un peu de cette position-là aussi pour, voilà, en faire voir un peu parce que. À ses maîtresses et aux gens que voilà, c'est moi la chef, la fille de mon papa et je, voilà. Donc, ça, Des fois, il y a des maîtresses qui nous maudissaient, je discutais avec lui, tout, mais directement, il n'arrivait jamais à me faire face. J'avais cette impression aussi qu'il avait une certaine crainte de moi, et j'ai grandi avec cette impression. Et ça s'est confirmé parce que tout le monde savait. Et puis, jusqu'à ce que je grandisse, c'est quand il y a que par rapport à moi, il pouvait, ses réactions pouvaient changer ou ne pas changer. Au fait, et je suis devenue grand, quand j'arrive à parler, il y a que moi qui pouvais un peu le raisonner ou bien tout. Et puis, petit à petit, bon, on a continué comme ça jusqu'à mes 17 ans où il a découvert Maïkali. En tout cas, il a découvert, je ne sais pas depuis quand il y allait, mais il m'a amené là-bas à mes 17 ans. Donc là, il est terminé à Maïkali, alors que les autres trucs, il m'a amené, à part les trucs de vaudou, de coutume petite. Oui, le sukio Maïkali, là, dont tu as parlé, dont tu parles là, c'est un secte propre au Bénin ou bien ça vient de l'Orient? Parce que le mot sukio, je crois que c'est un mot orienté. Ça vient du Japon et tu peux faire des recherches après dessus. Enfin, ça vient du Japon et c'est partout dans tout le monde, mais c'est dans toutes les villes, pratiquement les grandes villes du monde entier, mais personne n'en entend parler parce que c'est le summum. Oui. Au fait, l'histoire du nouvel âge, de tous ces trucs-là, le yoga, l'écuménisme, tout ça. Moi, je connais déjà ça au top depuis longtemps parce qu'au fait, c'est le summum. C'est un truc qui dit, c'est la pyramide de leur symbole. Oui. C'est un truc qui dit, voilà, toutes les religions, la même source, et que maintenant Dieu s'est levé et puis s'est révélé à cet homme-là du Japon, de il y a je ne sais pas combien d'années, pour qu'il rallie les religions à leur source. Donc, Sukio Maikali, c'est tout. Donc, on pouvait, au début, on te dit, comme j'ai suivi un témoignage d'un ancien rosicrucien, franc-maçon, sur le site de Bambaïma, au début, on te dit, oh, Jésus, Mohamed, tout le monde, c'est Dieu, on va. Et puis, quand on arrive aux initiations supérieures, déjà secondaires ou supérieures, on leur dit clairement là-bas comment que Jésus n'est pas Dieu, il est mort, je ne sais pas où on a dit, ah, il s'est marié, tout ça. Oui. Mais moi, j'ai découvert tout ce truc en fouillant moi-même. Oui. Donc, je n'ai pas fait, j'ai fait que l'initiation élémentaire. Et il y a trois niveaux d'initiation, élémentaire, secondaire, supérieur. Le supérieur, ils vont faire ça dans la maison mère au Japon. Mon père, il est allé jusque là-bas. Donc, il m'a amené à mes 17 ans, à 7-7. Ben, j'avais beaucoup de soucis de santé aussi. J'étais tout le temps malade. Hein, et puis, j'avais mes soucis de porter le fardeau de la famille. Je souffrais beaucoup en silence. Donc, j'étais tout le temps malade. Il m'a amené là-bas. On transmet la lumière de vérité pour guérir toutes les maladies, tous les problèmes de la vie qui ont une source spirituelle, au fait. Oui, comment ça se fait, la transmission de cette lumière de la vérité? En quoi est-ce que ça consiste? Voilà, la transmission, c'est... D'abord, on s'initie. Quand on fait l'initiation, on suit un cours de 3 jours. Oui. Dans le cours de 3 jours, on vous apprend... Ça, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, on vous apprend les réalités du monde spirituel. En fait, vous découvrez des choses, la nature, et Dieu, il a fait ci, Dieu, il a fait des trucs normalement tout simples, mais bon, tu découvres, tu te dis, ah, c'est en fait, c'est ça, ben, le monde des esprits, c'est les esprits qui gèrent tout. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre, on l'appelle Dieu sous normalement, et que ensuite il a des dieux, d'autres dieux qui sont des anges, des dieux, des petits dieux. Puis ensuite, on a les anges gardiens, puis ensuite, les ancêtres. Donc, en fait, il y a un arbre généalogique à partir de Dieu jusqu'à nous. Et on est reliés à ça. Oui. Donc, en gros, ils font le culte aux esprits, aux ancêtres. Oui. Les esprits, donc ils invoquent. Donc, quand on fait l'initiation au bout des 3 jours, quand on a compris tout ça, on a compris que le corps a 3 parties, l'âme, le corps spirituel, le corps astral et le corps physique. Oui. On a compris toutes ces choses. On a compris que, voilà, quand on transmet la lumière, ben, on transmet la lumière à l'âme, puis après on transmet tout ça. Ben, on a compris tout, on a reçu les cours. Là, au 3e jour, on nous donne un médaillon sacré qui vient du Japon, qu'on fabrique là-bas au siège, la reine mère ou bien la représentante terrestre de Dieu maintenant sur terre qui est au Japon. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible, mon frère. Et mais le pire, c'est que quand je dis que c'est l'une des plus dangereuses, voire même peut-être la plus dangereuse, c'est que personne n'entend parler, mais c'est à un niveau tellement le plus élevé. Ça veut dire que c'est subtil, c'est subtil, alors c'est très subtil. C'est très subtil et c'est tellement proche de la vérité. Et plus je suis dans la parole, plus je médite la parole, je suis au pied du Seigneur, plus le Seigneur me révèle à quoi c'est tellement proche. C'est parce que ça a été tellement proche de la parole qu'on a pu me séduire, que mon père, j'ai l'impression que maintenant, avec les révélations que j'ai du Seigneur, qu'il fallait bien m'amener quelque part où on pouvait me séduire et que je pouvais, parce que je ne sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait, où j'avais une force ou une puissance, quelque chose en moi qui empêchait qu'il puisse m'amener dans tous les autres niveaux. Genre, je vais me rébeller. Oui. Déjà, comment je me comportais et tout, j'étais déjà trop forte, trop, voilà. Oui. Donc, quand je suis allée là-bas, ce qui était en moi a trouvé quelque chose de waouh, génial. Et puis, je me disais, waouh, si mon papa est là maintenant, vraiment, il connaît tout ça, il a trouvé Dieu. Donc, c'est bon, alors, je vais faire avec lui, parce que j'étais sûre qu'avec ça, donc, la paix allait revenir. La Donc, maison. donc en clair, on t'a séduit avec le nom de Dieu, puisque dans Sukiyo, Mahikari, Sukiyo c'est Sukyo et Mahikari, Mahikari. Dans ce groupe de secte-là que tu dis comme être la plus dangereuse, subtile, c'est comme Oui. un serpent sous-marin qu'on ne peut pas découvrir, un serpent de mer et qui finalement mord les gens sans qu'on s'en rende compte. On t'a séduit là-bas avec le nom de Dieu et tu as cru que c'était Dieu. Oui, et quand tu rentres dans les centres, et j'étais quand même, étant dans le monde où j'étais là, j'étais une fille chichiteuse, enfin une fille à papa pourri gâtée, c'est tellement beau et propre que Oui. je me dis, il n'y a que Dieu qui peut permettre ça, en fait, dans le monde. parce que Dieu est propre, il a bien la prospérité, ainsi de suite. Donc c'est normal que ça soit propre et clair comme ça. Voilà, dans mon cœur, parce que je voyais la sainteté. Je me disais, ça, c'est saint. Enfin, sans avoir des mots, hein, je ne mettais pas des mots dessus à ce moment, parce que les gens sont. Vous voyez la culture japonaise, Oui, comment ils asiatique. sont propres, calmes, respectueux, maîtrisent de soi, doux là, Voilà, respectueux. voilà, de tout ça. Oh là là, je me disais, ah, c'est bon, là là, maintenant, on va être sauvé, au fait. Et c'est ça. Et au début, je comprends que. Mais voilà, donc c'est comme ça que je me suis fait initier. Donc on reçoit ce médaillon-là, une chaîne au cou, Oui. et avec le médaillon. Et le médaillon, l'enseignement qu'on te fait dessus, c'est notre âme, en fait, qui est dedans, ou bien j'ai oublié trop. En tout cas, notre âme est reliée à Dieu par rapport à ce médaillon. Et à travers ce médaillon, Dieu, on reçoit la lumière, la puissance de Dieu qu'on peut transmettre maintenant par la paume des mains aux gens. C'est terrible, hein? C'est terrible. Par la paume des mains aux gens et à tout ce qui vit, à tout ce qui ne vit pas de toute façon, au monde spirituel. C'est-à-dire qu'avec ça, on avait la puissance de transmettre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quoi, à qui est au courant, qui n'est pas au courant qu'on est en train de lui transmettre la lumière. Il suffit qu'on tape les mains, on tape trois fois les mains d'une manière, il faut joindre les mains d'une manière, ça, je ne sais pas comment expliquer si on ne me voit pas. Oui. On tape les mains, puis on récite une prière. Voilà, ils nous disent que c'est une langue morte. Oui. Donc, c'est une langue, c'est même pas du japonais, un truc dans une langue morte. On récite tout ça, on Oui. connaît ça par cœur, ça s'appelle, c'est quoi là, le nom de la prière, j'ai même oublié. Le mantra. Amasu Nori Koto. Amasu Nori Koto, ça s'appelle cette prière. Il y en a plusieurs sortes, en tout cas, celle qui ouvre la voie et Oui. nous fait remplir de la puissance pour qu'on transmette, elle s'appelle comme ça. Et on récite ça jusqu'à quand on finit, on lève la main. Donc, quand on est conscient avec quelqu'un avec qui on pratique cet art, on fait ça directement. Dans les centres de ça, les centres s'appellent le dojo. Le dojo en japonais, ça veut dire centre. C'est pour ça les centres de karaté, tout ça, ils appellent ça dojo. Oui. Donc, là où on allait, ça s'appelle centre de pratique de l'art de Maïkali. Donc, Oui. on appelait communément pour nous dojo. Oui. Dojo, là. Et là, dans ce Maïkali. centre-là, c'est installé où actuellement? Il y a encore ça au Bénin et au Togo? Oui, il y a partout, mon frère. Il y a à Paris. J'étais étudiante en France pendant des années. Il y a ça à Paris, le Dai Dojo de Paris. Mais ils ont des noms. Il y a des Dai. Les Dai, c'est les plus grands dojos d'une ville ou d'un pays. Les petits dojos, les petits. Enfin, j'ai oublié les autres noms des petits centres. Mais Oui. voilà, donc, C'est des salles de pratique où il y a des coussins, comme par exemple, c'est pas une salle de pratique où il y a on fait du yoga, par exemple. Il y a des coussins à terre, il y a des chaises aussi. Oui. Bon, ça, je vais t'envoyer peut-être des liens. Tu Oui. pourras rentrer dedans. Ça, tu verras des salles, les Oui. salles de Maïkadi. J'ai trouvé tout sur Internet. Je fouille beaucoup, j'ai plein. Maintenant, en plus, ils commencent à se voir, puisqu'il y a ceux qui les dénoncent petit à petit. Oui. Puis eux-mêmes, plus on les dénonce, plus ils trouvent des choses pour contrer ça. Donc, ils dorent leurs images sur Internet un peu, quoi. Ok. Et tu as dit dès le départ ici que c'est à l'âge de 17 ans que tu as été initié là-dedans et tu y as duré pendant combien d'années là-dedans? Puis donc, il m'a amené à 17 ans et j'ai fait mon initiation à 18 ans. Donc, Oui. j'ai commencé à aller à juste recevoir la lumière parce que quand tu n'as pas encore le médaillon, tu vas te transmettre ça. C'est une séance d'environ 40 minutes, la séance normale, où on transmet la lumière à des points particuliers, comme on nous apprend pendant l'initiation, en fait. Le corps humain a tous des points, tous les organes ont des points. C'est comme l'étude d'acupuncture. Oui. Donc, on transmet de la lumière sur les trucs, tous les points du corps. Oui. Voilà. Ok. Et donc, Ça veut dire que j'ai commencé. c'est comme un certain réveil des organes de ton corps qui était resté inerte pendant longtemps. Oui, non, c'est pas ça. On transmet la lumière de Dieu à l'endroit qui a un problème pour que la lumière purifie l'endroit. Ok. Toi, par exemple, tu avais Mais quel on problème, par transmet la exemple? lumière. Par exemple, j'avais mal à la tête, on va me transmettre la lumière au temple. Oui. J'avais mal au bas-ventre, on va me transmettre la lumière. Je vais me coucher sur le tapis, on te met une couverture et tout, on va te transmettre la lumière dans l'utérus par le ventre ou bien par le dos, en haut, en bas du dos. Oui, Donc, tous les points. pour ton cas particulier, par exemple, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé et quelle était la réaction dans le corps et comment il transmettait? Oui, quand on retire la lumière, on met sa main sur toi, mais on ne te colle pas. On ne te colle pas la main dessus. On met un peu la main un peu éloignée, je ne sais pas, de 10 minutes, 10 mètres. À proximité de la main. À 10 cm comme ça de toi, et puis on transmet. Oui, Et puis le début, forcément, tu fermes les yeux. Par contre, quand on transmet à l'âme, c'est au front, là où il y a le bien, là. Oui, là où ils appellent le troisième œil, quoi. Non, là-bas, ils n'appellent pas le troisième œil. Je saurais tout de suite que ce n'est pas normal qu'on dise troisième œil. Oui. On dit que c'est là le point qui est lié à ton âme. Une fois qu'on a appris que le corps est fait de trois trucs, là, l'âme et tout, tu sais que ah, je suis fait de trois parties. Donc, c'est mon âme, c'est là, ben, je reçois la lumière dans Oui. mon âme. Oui. Et dans Donc, l'expérience dont tu recevais quelque chose, est-ce que tu ressentais quelque chose dans ton corps pendant qu'on faisait cette expérience sur toi? franchement, non, parce que depuis toujours, dès qu'on a commencé, parce que c'est quand on transmet à l'âme qu'il y a des manifestations spirituelles et les esprits possesseurs, on peut leur parler, les esprits se manifestent, parce que ça, on vous apprend ça même à l'initiation, les esprits se manifestent, les gens commencent à aboyer, les gens parlent comme des chiens, les gens parlent comme des oiseaux, les gens commencent à se rouler par terre comme des serpents. Donc, c'est les esprits possesseurs qui se manifestent. Et donc, quand on transmet au fond, comme ça, tu dois fermer les yeux. Les deux mains collées bien jointes dans une position spéciale, donc comme on fait le yoga, là voilà, et tu restes comme ça et tu reçois la lumière à ton front. Et quand tu reçois à ton front, ça dit 10 minutes. Et pendant ce temps, celui qui te transmet la lumière, quand un esprit se manifeste, il parle à l'esprit gentiment. Esprit, qui es-tu? Aussi. Et l'esprit va dire, je suis l'esprit de la grand-mère ou bien de je ne sais pas qui. Voilà, je veux si, je veux si, c'est parce qu'on m'a fait si. Alors, ça peut durer pendant 2 ans, cette négociation avec cet esprit-là, avec la même personne, jusqu'à l'en délivrer. Ou alors, ça peut durer une séance ou 2 séances ou 2 mois, et puis cet esprit ne va plus se manifester. Alors, peut-être c'est un autre. Oui. Tu vois un peu mon. En clair, Donc, d'ailleurs, moi, en clair, on ouvre la porte de l'âme des gens pour les esprits, que ce soit comme un passage des esprits. Ils se manifestent au travers de toi. voilà. Rentrer des esprits. Donc, quand on discute avec les esprits, on négocie avec les esprits et puis voilà, on leur voit un culte et puis ils ont tous les droits, on doit leur demander pardon, les purifier jusqu'à ce qu'ils passent dans l'autre monde parce qu'au fait, c'est parce qu'ils errent, je ne sais pas où, Dans le à monde cause de éthérique. leur. Oui, à cause de leur souffrance, ils errent dans le monde astral ou je ne sais pas où parce que voilà, leurs descendants, jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent recevoir. Et puis après, ils peuvent partir en paix ou des trucs comme ça. Dans cette séance, durant cette séance-là, quelles sont les choses qui t'ont marqué? Essaie de nous raconter des séances qui t'ont marqué, des choses que tu as vécues spirituellement, qui peuvent aider les gens à comprendre qu'il faut qu'on fasse attention avec le monde spirituel de Satan. C'est ce que je te disais. Donc, au fait, au début, quand après les cours là et tout, moi étant comme je suis, dès que je reçois Mais non, avant même, quand mon père m'amenait, quand les gens, je suis quelqu'un comme ça où quand les gens, je ne fermais jamais complètement mes yeux, je suis là à battre les paupières, à me battre, à refuser qu'aucun esprit ne vienne se manifester en moi. Et mon père, je peux t'assurer que pendant 10 ans, je n'ai jamais eu aucune manifestation d'aucun esprit. Et des fois, je simulais pour faire plaisir, comme si j'avais des trucs et je pouvais bouger mon cou et tout ça, mais je battais un peu les yeux pour voir la réaction, pour voir comment l'autre en face de moi là est en train de gérer ça et tout. Mais franchement, j'étais bien consciente. J'ai toujours été bien consciente. J'avais cette bataille là en moi où je refusais qu'aucun esprit ne vienne se manifester. Et je refusais même pendant qu'il est en train de citer lui, de réciter la prière là. Moi, j'étais là dans ma tête en train de dire, je ne veux aucun esprit ne vienne se manifester. Maman, je ne veux pas. Parce que déjà, je me disais, j'étais déjà trop parfaite pour commencer à parler comme un chien ou à me rouler parfait. Donc ça évitait. Donc voilà, je ne voulais pas moi qu'on rentrait dans ces m'abaisser ou bien. Donc c'était ça dans mon intérieur, mais il n'y avait que moi qui faisais ça. Ce combat-là, mon papa, lui, il ne savait pas que voilà. Mais donc, j'allais sans aller. Mais par contre, le reste, par rapport aux maladies maintenant, quand on a fini la séance du front, par rapport aux maladies, j'avais plein de soucis. J'y croyais vraiment que j'avais vraiment des migraines atroces, des problèmes vraiment violents, de mal de tête. On avait découvert plein de choses, des trucs un peu proches de l'épilepsie. Mais c'est pas l'épilepsie en même temps, j'ai jamais fait de crise, mais voilà, je pouvais tomber dans les pommes ou bien j'avais très mal à la tête et tout ça. Donc j'y croyais. C'était même ça qui a amené que papa m'a pu m'amener pour. Donc j'y croyais que ça allait me guérir. Et les autres trucs aussi, enfin, à l'époque, j'avais pas trop de maladies, justement, à part les maux de tête là. J'avais pas trop de maladies à l'époque. Donc j'y croyais à ça. Donc quand je recevais aux autres points, j'avais vraiment l'espoir que le Seigneur me guérit et que tout ça. Mais j'avais surtout l'espoir que mon âme recevait la lumière de Dieu et que je me purifiais. Parce qu'on nous dit, voilà, il y a la réincarnation aussi. Hein. On nous dit que on se réincarne. Donc je suis quelqu'un qui est revenu pour me purifier encore dans cette vie, pour une meilleure vie au fait. Et c'est un mensonge terrible, n'est-ce pas? Terrible, mon frère, terrible. Tout ça, j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et donc, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est revenu. Donc, moi, j'étais Dans ce courant-là. dans ce, Et voilà, tu ne connaissais pas la vérité. Avant de encore plus. continuer, pendant que tu simulais, lors de ces séances de méditation et de transmission des esprits, dites la lumière là, quand tu simulais comme ça, est-ce que les maîtres qui le faisaient vis-à-vis de toi, le contrôleur ou bien celui qui pratiquait cela, personne n'avait jamais su durant tous ces moments-là? Non, et en plus, j'avais l'impression sincèrement, mon frère, que moi je dominais sur lui, que lui ne pouvait pas décider de me faire bouger ou bien de faire venir l'esprit en moi. Si moi je continuais à résister comme ça, à le regarder du coin d'œil sans qu'il s'en rende compte, et personne ne s'est jamais rendu compte pour me dire arrête de faire ce que tu fais là. Donc, au fond de moi, il y a toujours eu cette chose qui, voilà, où je dominais, voilà, je disais non. Personne ne s'est rendu compte, jamais mon père m'a dit, pourquoi tu fais ça? Ou bien, genre, il se rendait compte de quelque chose, non? Mais pourquoi tu résistais, puisque tu croyais que là c'était Dieu, pourquoi tu résistais à leur Dieu, à Dieu, entre guillemets, là, ce moment-là? Ça fait partie de mes questions irrésolues, mon frère. Voilà, bonne question, mon frère. Ça fait partie de mes questions irrésolues. Et je ne savais pas depuis petite, là, c'était quoi cette chose que j'ai en moi, là. Donc, ça veut dire que quelque chose était en toi pour te montrer qu'en fait, même si tu étais ignorant, là-bas, ce n'est pas la bonne voie, quoi. Voilà. Ce n'est pas que la bonne voie, mais genre, même dans la bonne voie, je ne voulais pas que quelqu'un domine sur moi dans la bonne voie. J'avais affaire seulement avec mon Dieu. Donc, s'il est là, là, c'est lui seulement. J'avais quelque chose en moi une conviction que j'allais pas me laisser venir Marcher dessus, quoi. rentrer un peu. Voilà, laisser un esprit venir se manifester par moi ou bien lui parce qu'il décide de me faire occuper la séance de pratique s'appelle comme ça. Voilà, c'était. Mais cette force, et petit à petit, maintenant, après que j'ai connu le Seigneur il y a 8 ans, comme j'ai dit, je me suis dit, c'est parce que c'est le Seigneur qui me protégeait, qui me montrait, qui me gardait à l'écart. Je ne sais pas comment l'expliquer d'autre, parce que j'ai Absolument. résisté à plein d'autres choses. Absolument. Et durant ces moments de séance, tous les temps que tu as passé là-bas, est-ce qu'il y a des grandes personnalités de votre pays, sur le Bénin ou sur le Togo? C'est le Bénin. Nous, on a grandi au Bénin, même si on est d'origine togolaise, d'origine togolaise, pas à part mon père, on a grandi au Bénin. Oui. Donc, on avait les deux familles d'être. Oui. Est-ce qu'il y a des gens non respectables de la société qui s'y trouvaient, qui étaient dans ce secteur-là? Oui, c'est une grande dame du Bénin qui a fait rentrer mon papa. Elle s'appelle. C'était une des bras droits de Mathieu Kérékou. Ok, donc le président béninois. Oui, Et pas conseil. Mathieu Kérékou, allez. Oui. Non, je crois. Voilà, de Mathieu Kérékou, le grand président là, qui était avant, c'est après lui qu'il y a eu la démocratie là, longtemps. Oui. Voilà. Voilà. C'était une de ses bras droits. Mais d'ailleurs, en tant que femme, quand t'as Mathieu Kérékou, c'est la femme qui est à côté. Oui. Enfin, c'est ça. Je dis n'importe quoi, c'est ça. Oui. Exactement. Elle est africaine. Oui, elle est béninoise. C'est une grande dame du Bénin, politicienne bénin. Après la démocratie, elle a connu une chute vertigineuse parce que du coup, le régime de Mathieu Kérékou est tombé. Du coup, mais sinon, c'était une dame puissante au Bénin. Ok. Donc, ça veut dire que la majorité des grandes personnalités du pays étaient dans cette secte, ce courant-là. Mais oui. Et puis mon père, il était rosicrucien. Il y a plein de rosicruciens qui étaient dedans Oui. aussi, qui sont à Maïkali. Au fait, comme c'est le summum, quand Oui. ils font tous les petits là jusqu'à les grands qui continuent de chercher toujours la puissance là et la gloire du monde là, Oui. ils ont trouvé ça. Ils ont Oui. trouvé Maïkali là. Oui, Et puis ils mais. finissent là. C'est ça le. Ils finissent Sur le là. Tous les sommet. grands finissent là. Oui, mais. Madame finit là. Elle est décédée. Vraiment, elle est décédée, cette dame, dans une situation. Lamentable. Lamentable, c'était une grande dame du Bénin. Elle a fini par. Elle louait une maison dans une petite maison avec plein de locataires. Mon papa m'amenait là-bas, mais personne ne pouvait savoir que c'est madame. Elle Oui. pouvait vivre là. Mon père est décédé dans une situation lamentable il y a 6 ans. Il est décédé, hein. Donc, en fin de compte, le diable les trompe, prend leur âme, les utilise pour prendre des âmes des gens, et puis les fait ruiner au Voilà. fur et à mesure comme ça. Parce que ceci, c'est pour avertir aux gens qui entrent dans les sectes, pour montrer que Satan peut les ruiner. Enfin, Satan les ruine toujours, mais au préalable, il les font miroiter la gloire du monde, mais qu'en fin de compte, ils perdent leur âme. Oui. Et je voilà, tout ça, le témoignage peut servir. Justement, j'en ai parlé souvent auprès ici. J'ai dit, Souké Maïkali, mais bon, il me demande juste, ah bon et tout, mais sans plus. Mais je me dis, à chaque fois, je dis, mais c'est un truc très dangereux quand j'essaie, mais personne ne va un peu plus, quoi. Voilà, je pose encore une autre Et. question. Est-ce que ça ne te dérangeait pas que, puisque tu savais que t'as, est-ce qu'à cet instant-là, est-ce qu'à cet âge-là, tu savais que la rose quoi était mauvaise? Oui, enfin, je ne savais pas mettre des mots dessus, mais je me disais, avec la vie que mon papa menait, la vie malsaine et perverse qu'il menait, je me disais, ça peut être mauvais, c'est pas. Mais on ne savait pas, hein. Il avait son truc de rose-croix dans Oui. sa chambre, il avait un petit truc, Un un tabernacle. petit. Oui, un tabernacle avec un voile, une table et tout, et il avait les rideaux, il tirait ça, on ne voyait pas ce qu'il y a au-dessus. C'est vrai que. On avait aussi la crainte, on n'est jamais, on rentre dans sa chambre, mais on ne va pas là-bas. Oui. Et des fois, quand il rentre dedans, il est dans le tabernacle, il ferme sa porte, il est dedans, on entend ouh là. Il peut rester comme ça pendant 1 heure. Et nous, on disait ici, même avec notre maman, on disait, c'est pas possible qu'on peut rester comme ça, ouh, pendant sans respirer. C'est sûr qui, je ne sais pas, à un moment, ça m'est arrivé, je me disais, c'est sûr qu'il disparaissait. J'ai eu toujours cette conviction, sans rien savoir sur la route, je me disais, non, il disparaissait dans son truc là. Oui. Et donc là, étant dans la secte, là, il continuait avec la rose quoi toujours parallèlement. Oui, il continuait puisque j'ai même une photo de lui. Il a sa croix de rose quoi sur la photo, puis il a son insigne de Maïkali aussi à côté. Oui. Donc, Donc, mais en fait, c'était donc après, c'est compatible. oui, tout est compatible. Mais après quand même, je me dis, il continuait d'aller parce que je vois sa chaîne là. Il a une chaîne là. J'ai jamais eu la confirmation, mais je me suis dit, je me dis toujours, c'est son médaillon là. C'est une croix qu'il a Oui. avec. Un cristal dedans. Et durant Il a toujours porté ça et je crois que ça vient de la rose croix. Mais Maïkali, à un moment, il n'avait plus rien de l'hôtel de la rose croix dans sa chambre. Il a Oui. juste eu les trucs de Maïkali à Ok. partir d'un moment. Bon, à partir du moment où il entre dans cette secte sur Kyo, quoi, Maïkari, là, quand il y entre, est-ce que sa vie de débauche, là, change? Mais non, justement, c'est que c'est là que j'ai commencé à tomber de nu. parce que il a commencé à m'amener comme partout, il m'amène toujours. Et puis j'ai commencé à là-bas avec lui. Tout le monde me voyait, c'est la fille de papa. Je faisais ma madame, fille de papa, comme d'habitude, on allait, voilà. Et puis, je ne sais pas, quelques mois après, j'ai vu, il m'a amené deux de ses maîtresses. J'ai fait, mince, c'est pas possible. Et je suis allée voir ma maman. J'ai dit, ma maman, papa, il m'a amené, il m'amène quelque part. Bon, je raconte déjà à ma maman et à mes frères et tout. Mais bon, ils sont habitués que c'est moi qu'on amène partout. Oui. Mais je dis, non, maman, il faut absolument que tu viennes là. Il faut que tu viennes là, marquer ce territoire, parce que là, je t'assure, c'est Dieu. Et qu'il ne peut pas amener les sœurs maîtresses là. Il faut qu'elles viennent s'imposer. Ça, c'est Et je dans la dis, il peut secte pas amener Sukiyo tout. Mahikari, là. Et voilà. Et j'ai tout fait pour faire amener ma maman. J'avais 18 ans, j'ai pratiqué pendant, on va dire, quelques mois. Quand j'ai vu les femmes là, commencer à venir, j'étais tellement choquée, énervée, dégoûtée, que j'ai commencé, j'ai tout fait pour convaincre ma maman. À amener. Jusqu'à, j'ai réussi à faire amener ma maman. Donc, ma maman, mon petit frère qui me suit et ma petite soeur qui le suit, finalement. Oui. À cause de moi, parce que je voulais que, voilà, je me suis dit, ben c'est bon, on a trouvé. Là, ma maman, il ne va plus marcher sur ma maman comme il fait là, c'était maîtresse là, et tout, et Oui. ma Et maman, elle est partie à la en fin maison. de compte, comme ton papa a amené la maîtresse, parce que la connexion n'était pas bonne là, en fin de compte, comme ton papa a amené ses deux maîtresses là-bas, tu as dit non, ça ne va pas se laisser comme ça. Et toi, tu pensais que c'était la bonne voie pour l'harmonie de la Oui. maison et puis que ta maman ne soit plus Oui. méprisée et maltraitée, il fallait qu'elle vienne là-bas également. Et là, par conséquent, tu as amené plutôt tes petits frères et tes petites soeurs. Voilà. Et les enfants, ben, petit à petit, mon papa étant en train, au fait, j'ai compris après. Parce que pour passer à chaque fois à un degré supérieur, à l'initiation secondaire, il faut amener, Les gens, il faut les initier membres. tel nombre de gens. Oui. Et donc, quand depuis toujours, il n'en avait rien à foutre de maman. Bon, il m'a fait initier, il a gagné un point. C'est moi qui l'ai fait initier en premier. Puis Oui. ensuite, il a amené ses deux maîtresses là. Et puis, il les a fait inscrire au cours d'initiation et tout ça. Oui. C'est après que j'ai compris. Oui. Donc, du coup, comme j'ai ramené ma mère et mes frères, bon, c'était gagnant pour lui, même s'il n'était pas content finalement. Et puis, les maîtresses, il y a une qui a vu que maman commençait à venir ou bien qui a commencé à voir. Je lui en faisais voir de toutes ses couleurs là-bas. Ben, elle s'est fâchée, elle est partie. Elle s'est fâchée, elle est partie. Du coup, ma maman et mes frères lui faisaient quatre personnes d'office là. Justement, dès qu'ils se sont fait initier, ben, il est passé secondaire direct. Il allait faire l'initiation secondaire en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Parce que c'est le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le siège de tous les autres pays en Afrique. Chaque continent a son siège où chaque année, tous les dojos de tous les autres pays se réunissent. Au siège principal. Siège. Et c'était en Côte d'Ivoire. On faisait la conférence là dans la grande salle Ivoire, de l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire. Et c'est là où il y a les conférences de l'ONU et tous les trucs des grands là. C'est dans cette salle-là qu'on faisait voilà, le rassemblement annuel. Donc le siège africain le grand siège africain de Sukiyo Mahikari, la secte dangereuse dont Exact. tu parles, se trouve en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Donc il a fait initier ma mère. Et Enfin, là, c'est quelle était la relation donc quand vous vous rencontrez dans votre secte et ta maman et les amants de ton papa et ton papa et les grands maîtres de secte, est-ce qu'ils savaient toutes ces choses-là de vous? Oui, justement, parce qu'on leur dit, justement, avant, mon papa, il ne s'était jamais marié, en fait. Maintenant que je sais ce que c'est que le mariage aussi de Dieu, il ne s'était Oui. jamais marié selon les hommes avec mon papa, ma maman plutôt. Donc, ils Oui. n'étaient pas passés devant le maire, rien. Et ils exigent dans cette secte, justement, que pour faire initier quelqu'un en tant que ta femme, tu dois être marié légalement avec elle. Oui. Dieu a fait du sur, Mireille était contente. Ma maman doit venir et comme ma maman doit venir, il est obligé de l'épouser. Je calculais tous mes trucs, donc j'ai forcé jusqu'à. Il a été obligé d'aller faire la cérémonie légale là, dans Oui. une petite ville toute pourrie, enfin toute pourrie, c'est pas ça, toute cachée Oui. du Bénin. Personne n'était au courant pour ne pas montrer qu'il s'est marié à ma maman. Et il a pris un témoin de la secte, justement, un ami de la secte. Et Oui. ma maman a pris une de ses collègues là, qui était une femme d'un douanier aussi, comme Oui. témoin. Et ils sont allés, nous, on ne savait même pas, maman est revenue et nous a dit que voilà, mon père m'a amené à la mairie, on s'est Oui. marié. Oui, mais quel était le problème avec ton papa et ta maman au point où ils vivaient comme ça sans vouloir aller légaliser leur mariage? Non, ce n'était pas un problème. C'était mon papa, c'était le dominateur et tout. Lui, il n'a jamais voulu se marier. Il n'est pas marié. Maman est sa première femme, mais elle, pour elle, elle est mariée. Elle a été éduquée vraiment avec nos valeurs africaines, là. Son papa avait 12 femmes et les mamans étaient. Donc, elle, c'est la première femme. Elle était à la maison chez son mari avec ses enfants. Donc, elle n'avait pas de problème. Voilà, et son mari ne voulait pas se marier, ni à l'église, ni quoi que ce soit. Pour ma maman, elle était chez son mari, c'était, voilà. Donc, je crois que l'histoire de mariage, là, c'était pas trop la priorité de ma mère non plus. Par contre, quand on était à l'église catholique, de temps en temps, elle disait, si Dieu le veut un jour, moi aussi, mon mari connaîtra Dieu et va m'amener à l'église, faire le grand mariage. Des fois, elle sortait ça, j'entendais. Mais sans plus, elle menait, ma maman nous a vraiment éduqués. Malgré tout, pas contre notre père, dans l'amour, dans Oui. tout ça, voilà, dans le respect de notre père, malgré tout. Mais lui, il avait sa vie dissolue avec les grands, les maîtresses, et il vraiment malmenait vraiment ma mère. Et puis, plus, quand maman a commencé à aller à l'église catholique, plus petit à petit, elle a commencé à s'affermir, à se rebeller, voilà, on Oui. va dire carrément. Elle a commencé Oui. à se rebeller contre mon père un peu. Et avant, il amenait même les maîtresses à la maison, il passait devant nous pour aller dormir avec les maîtresses dans sa chambre. Et Oui. ma maman commençait à dire non à tout ça, s'est battue avec lui, les maîtresses, une ou deux fois, et puis il a arrêté ça. Oui. Et toi? Et oui, la progression de ton père dans ce secteur dangereux, Sukiyo Marikari, là, quelle était la. C'est-à-dire qu'en allant en Côte d'Ivoire pour pouvoir reprendre l'onction et puis à la dernière étape qui se trouve au Japon, quel était le comportement et l'atmosphère spirituelle de la maison et de votre vie? Mais c'est là, puisque déjà les deux histoires de maîtresse, là, j'ai vu ça, rien ne changeait, ça a commencé à me faire truc là. Bon, j'ai fait amener ma mère qui s'est fait initier avec mes frères, pensant que ça allait changer quelque chose. Ça n'a changé rien. Ça n'a continué qu'à s'empirer notre situation. Et donc, petit à petit, j'ouvrais les yeux, je me disais, mais c'est pas normal. Mais comme on t'enseignait, dans la tête, ils sont rusés, l'ennemi est rusé parce que c'est pas eux. Vraiment. Ils t'enseignent de telle façon que tout ce que vous subissez comme souffrance, c'est la purification. C'est Dieu qui vous purifie comme ça. Donc, il faut accepter et dire merci à Dieu. C'est parce que vous enlevez vos souillures et vos impuretés spirituelles. Donc, ça s'empirait, mais quand même, je nourrissais toujours l'espoir de toujours pratiquer, moi, la perfection, cette pratique-là de l'art de Maïkali, de faire tout, voilà, et Oui, comme il faut. donc dans la secte Sukiyo Makari, toi tu pensais toi vivre dans la sainteté et dans la droiture, Oui. étant chez Lucifer. Donc, moi, je continue à faire tout comme il faut et encore maintenant, plus à prendre encore tout sur moi, avoir ce fardeau-là que c'est tout doit passer par moi, qu'il n'y a que moi qui peux sauver ma famille, au fait. Oui. Donc, du coup, moi aussi, ma souffrance continue à s'agrandir. Et puis, ben, notre vie a continué à se dégrader. Au fait, 2 ans après mon initiation, ou 3 ans après, je suis venue, mon père m'a envoyé en France justement pour les études. Ben, j'ai rejoint Maïkali et le dojo de Paris. Et j'ai continué à être la fille parfaite là aussi. Hein. Et jusqu'à la directrice de ce dojo, qui est la responsable, qui est devenue la responsable de l'Europe. Oui. Elle a traversé une fois, j'étais seule dans mon coin tranquillement, attendant mon tour pour aller pratiquer là. Elle a traversé toute la salle une fois, elle est venue vers moi, elle m'a dit oui, qu'elle a besoin de quelqu'un pour une tâche et que je peux bien faire ça. Et j'étais devenue presque une des bras droits de cette directrice européenne là, Oui. à Paris. Donc j'ai fait ça, genre, on va dire 5 ans comme ça, petit à petit, ma vie se dégradait tellement que. Mais ton rôle, Plus ça. étant en France, ton rôle pendant ces 5 années, consiste à faire quoi, au juste, dans ces sectes-là? L'art, là, on reçoit la lumière, on transmet la lumière. Tu restes dans la salle de pratique pendant, je ne sais pas combien de temps tu as de disponible. Tu reçois les gens, s'assoient, et puis les gens viennent devant toi et tu pratiques la séance de 40 minutes, là. Tu transmets la lumière à la personne, à son âme, puis aux autres points. puis après tu finis avec une personne, une autre personne vient, puis toi aussi tu as le tour de recevoir, et puis on va faire le ménage, des tâches, des trucs comme ça, parce qu'on nettoie, en fait on est en train de nettoyer nos âmes, hein, les services et tout, Oui. on fait des offrandes avec des petits papiers, des offrandes pour nos familles, on met les noms sur des papiers, on met les offrandes, on voyage, ben, on fait des activités, la nature, au Konoen, on fait des jardins naturels bio. Enfin, on est en harmonie avec la La nature. nature, oui. Et on vivifie la nature tout le temps. Je suis dans ma maison, je suis dehors, dans la rue, je suis à l'école avec les collègues, je suis tout le temps en train de lever ma main là discrètement pour transmettre la lumière à tout le monde, en train de purifier le monde spirituel. Oui. Donc discrètement comme ça, là, dans la nature, tu rencontres les gens, tu leur transmets ces choses-là d'après la pratique. Oui, tout le temps, c'est ce que je faisais. Et Donc, j'avais cette conviction là. Et ça, par contre, j'ai vécu plusieurs situations. Je n'ai pas, là, je ne me rappelle pas concrètement encore d'une situation, mais j'ai vécu plusieurs situations. Par exemple, je me retrouve dans une situation difficile, je commence à transmettre la lumière tranquillement, la situation, ou bien il y a une querelle ou quelque chose qui va me menacer, ou quelque chose, ou quelqu'un qui va me menacer, Oui. je commence à transmettre ça discrètement, la personne va s'éloigner de moi, ou bien la chose va s'arranger en ma faveur. Oui. Alors, mais ça veut dire que les gens qui vivent et qu'on rencontre dans les métros et autres, dans les places publiques, on peut être en vie, Oui. que les gens sont dangereusement dangereux là, parce qu'on ne sait pas qui est qui, ils peuvent se transmettre ça comme ça. Tout le temps, on faisait ça. Je faisais ça dans le métro parisien, partout, sur tout le monde, sur n'importe qui. Mais par contre, pas en mal. Oui. Comme les marabouts, comme le vaudou, comme tout, on te dit toujours, c'est pas en mal. Oui. Donc, c'est pas intentionnellement dans le but de. Non, on se protège et Oui. on évite le mal. Oui, mais et Voilà. là maintenant avec le recul, tu sais effectivement que c'est quand même les esprits qu'on transmet sur les gens. Ben oui. Et puis, je gardais les enfants des gens, je leur transmettais ça tranquillement pour les Waouh. purifier. C'est-à-dire comment? Oui. Explique-nous, par exemple, ça veut dire que tu faisais des travaux chez les gens et tu les transmettais ça. Oui. Les enfants des gens, j'avais tellement de peine pour eux. Je les amène, par exemple, au parc, ils sont en train de jouer, ou bien je leur transmets tranquillement la lumière pour les purifier, pour leur faire du bien. Oui. Aux enfants pauvres, voilà, aux Et enfants que j'ai. indirectement, tu es en train de les envoûter sans t'en rendre compte. Oui, c'est des enseignants, c'est des médecins, c'est tout ce que vous voulez. Et puis les enfants, les gens sont en contact avec eux. Oui. Et puis ils leur transmettent la lumière. Quelqu'un qui te dit qu'il est malade, des fois, quand je suis très proche de la personne, je lui explique que j'ai telle puissance où je peux transmettre la lumière de Dieu, le guérir. Si la personne veut, si la personne ne veut pas et que j'ai trop de peine et tout, je lui transmets discrètement. Oui. Bon, maintenant, revenons Donc. maintenant dans ta tâche à Paris. Durant ces consultations où les gens venaient au fur et à mesure, quels sont les différents groupes de personnes qui venaient pour la consultation dans ces sectes-là aussi? Voilà. Bonjour frère, bonjour mon frère. Que la grâce et la Ça paix bénit. te soient multipliées. Amen, amen, God, Dieu mon frère. Je suis Ça bénit mon content frère. qu'on se rencontre enfin encore ce matin après la première partie, l'interruption subite C'est ça. et avec ce combat qui a eu lieu dans les ténèbres. Oui, vraiment. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes, mon frère, et ça continue. Les choses se sont vraiment amplifiées telles que le Seigneur me les montrait pour que ce qui m'a conduit à te contacter. Des choses cachées se sont révélées encore plus. C'est terrible, mon frère. Oui. Donc, nous rappelons que dans la première partie, C'est terrible. nous rappelons que dans la première partie, nous parlions de ton passage dans la secte dite de Sukiyo Mahikari. C'est C'est ça. une association fondée au Japon en 1960 par Kotama Okada, un ancien officier de la garde C'est impériale de l'empereur du Japon. Il était devenu à ce ça. là. Voilà. Donc, En principe, le but, c'est de purifier l'homme et l'univers. C'est le principe même de la secte, en transmettant la lumière divine par la paume de la main. On appelle ça dans l'okion. Voilà. L'okiyomé. Donc, Voilà. c'est un officier qui était totalement soumis à sa garde. Et on va se poser la question s'il a eu la révélation de la part du Seigneur. Mais dans la première partie, nous étions arrivés au niveau où tu étais à Paris, et tu étais dans la secte, la branche de Paris, et tu étais prisé, et les gens te consultaient déjà. Qu'as-tu de nouveau? Donc, oui, comme j'ai dit, voilà, on recommence à partir de Paris alors. Oui. Et comme j'ai dit, c'est pas que les gens consultent. L'art, c'est un art qui se pratique comme c'est écrit là. Il y a une salle de pratique et il y a des tapis et des chaises et tout, enfin toute une salle. Je sais pas, peut-être sur Internet tu peux voir des images des salles de pratique de l'art de Maïkali. Donc on vient et puis chacun attend son tour. Ceux qui sont initiés et qui ont le médaillon sacré, eux, ils peuvent transmettre la lumière. Et donc, mais ceux qui ne sont pas encore initiés, il y en a que donc les gens les amènent. Voilà, tu sais, quelqu'un de ta famille, de ton entourage qui a des problèmes ou quoi, tu lui proposes, ah, moi je vais ici. On amène les gens pour qu'ils viennent recevoir cette lumière, cette fameuse lumière de vérité, de purification. Donc, moi j'étais initiée à l'étape élémentaire, mais j'étais initiée aussi. Donc, je faisais partie de ceux qui transmettaient. Et entre nous, on se les transmettait aussi. Chacun attendait son tour, au fait. Et on faisait la pratique de Kiyomé, qui est une pratique qui dure environ 40 minutes de total. Donc, il y a une partie principale qui est le front où on a accès à l'âme. Et la personne qui est en face de toi ferme les yeux. Et toi, tu récites la prière en japonais, en tout cas une langue inconnue qu'ils ont dit, une langue disparue. Donc, avec le temps et le recul, depuis que je suis sortie, j'évite voilà, de prononcer, de réciter toutes ces incantations-là. J'ai même oublié beaucoup, mais voilà. Donc, il y a, pour commencer la pratique de l'art spirituel de Maïkali, pour commencer la pratique de l'Okiyomé, il y a une prière spécifique qui est Amasu Morikoto, ça s'appelle le titre. Et donc, on récite cette prière, on récite cette incantation-là pour avoir accès au monde spirituel. C'est bien, c'est bien. Avec cette prière, on rentre dans le monde spirituel. Et donc, voilà. Et Dieu créateur, Dieu sous qu'ils appellent, ben, rentre en nous, ou bien en tout cas, on rentre en contact avec Dieu créateur. Et puis, à travers ce médaillon qu'on a, Oui. on a une chaîne avec le médaillon qu'on glisse, on cache sous nos sous-vêtements. Oui. Par l'intermédiaire de ce médaillon, qui est alors c'est l'âme, c'est la matérialisation de notre âme qui est, on est relié à Dieu par ce médaillon. Oui. C'est la matérialisation de notre âme. Donc, par l'intermédiaire de ce médaillon, on rentre en contact avec Dieu après la récitation de cette incantation. Et alors, on ouvre la paume des mains et on peut commencer à la transmission de la lumière. Oui. Donc, ça commence par le front. Et la personne ferme les yeux devant et on joint les deux mains comme on joint là. Quand on prie les deux mains collées, les faces des paumes de main collées, et puis on pousse sur un autre, croisé, le gauche toujours sur le droit, parce que le pouce gauche est le côté gauche de notre corps, le côté spirituel, donc tout passe par là. Donc c'est le côté plus dominant. Donc voilà, et la personne qui reçoit cette position, et puis nous, après avoir récité l'incantation, ben, voilà, on décroise les mains, on ouvre la paume de la main. Maintenant, on transmet la lumière à la personne environ à 30 cm à peu près de son front. Oui. On est assis sur des chaises face à face, ou alors on est assis dans une position comme les positions de yoga. Là, ils appellent pas seiza. On oui s'agenouille, les pieds derrière, les jambes derrière. On s'agenouille sous nos jambes, les jambes derrière, les pieds croisés les uns sur les autres derrière, toujours le gauche sur le droit, et c'est une position qui s'appelle la position seiza. Quand on est sur les tapis, soit on est sur, quand quelqu'un ne peut pas se mettre sur cette position, il se met sur des chaises. oui. Donc, on transmet la lumière dans l'âme, et dans la partie, cette partie-là, c'est là où on a accès à l'âme de la personne aussi. Alors, si la personne a des esprits possesseurs qui le possèdent, les esprits peuvent se manifester à cet instant-là. Oui. La personne qui transmet, lui, est conscient, donc lui parle aux esprits, ou voilà, lui demande qui il est, qu'est-ce qu'il veut à la personne, c'est quoi son problème. Donc l'esprit va raconter le problème de la personne, pourquoi il possède cette personne, voilà. Mais sinon, même si l'esprit, des fois, on n'attend pas que l'esprit se manifeste, quand on voit qu'il y a plein de monde qui ont des problèmes déjà, ben on appelle les esprits. Oui. On commence à dire, esprit, est-ce que tu es là? Qui es-tu? Jusqu'à ce qu'un esprit se manifeste. Et donc, voilà, dans cette partie, ça dure 10 minutes, la partie du fond. Quand c'est les initiés supérieurs, eux-mêmes, ça peut durer plus longtemps quand ils estiment que le niveau, les problèmes spirituels de cette personne sont très graves. Ça peut durer plus longtemps, mais en général, c'est 10 minutes. Donc, on négocie avec l'esprit pendant ce temps-là. L'esprit peut parler, peut prendre la voix de la personne. Peut être un homme qui parle comme une femme qui parle comme un homme ou un enfant Ou les animaux même. ou des animaux. Voilà, ou des animaux. Moi, particulièrement, je n'ai jamais été témoin vraiment. On m'a beaucoup raconté et des fois, je vois les gens à côté de moi parce qu'on est séparés quand même par des intervalles. Oui. C'est, voilà. Voilà, il y a des files parallèles où les chaises et les coussins se suivent et puis il y a des intervalles, voilà, dans la salle. Et je peux voir des gens en train de discuter avec quelqu'un au point 8, là, vers le point de l'âme. Ou bien je vois des manifestations, des gens tombent, on les ramasse et tout. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu de manifestation. J'ai essayé, à chaque fois, moi aussi, je parle aux esprits pendant que je fais ça. Oui. Et j'invoque les esprits, au fait, je leur dis, s'il y a quelqu'un là, voilà, recevez. Et puis quand on sent des fois les gens commencent à manifester des positions et des mouvements bizarres, il y a des incantations aussi dans les livres de prière. Là, on a des livres de prière. C'est toujours les langues japonaises inconnues ou disparues. Là. Et on récite. Et là, on parle aux esprits dans ces langues-là. Donc, je les récite. Tu peux prendre le livret et prendre et choisir et commencer à réciter. Ça s'appelle des mintas. Donc, pendant ce temps, pour moi, pendant ce temps, tu es en train de maîtriser l'esprit et de régler le problème de l'esprit avec lui, au fait, jusqu'à ce que les 10 minutes finissent. Quand les 10 minutes finissent, il y a un rituel aussi. On tape 3 fois dans les mains. Comme avant de commencer, on tape 3 fois dans les mains, on récite l'incantation. Quand les 10 minutes finissent, on tape encore 3 fois dans les mains avec les positions spéciales de la main. Et alors, on récite encore quelque chose, on réveille la personne, en fait. On le coupe du monde spirituel. Oui. On joint nos mains sur sa tête, pas posées sur sa tête, mais en haut de la tête. Et on ramène en prononçant 2 phrases, il y a 2, 3 phrases comme ça, ou une phrase. Et voilà, et on ramène la personne 3 fois. On fait ça. On fait ça 3 fois et on ramène la personne. On ramène la personne. On coupe le monde spirituel et donc après on dit à la personne d'ouvrir les yeux. Et là, la personne peut ouvrir les yeux. Et là, la personne croit effectivement qu'elle a été coupée du monde spirituel. Oui. La personne croit qu'il a été coupé du monde spirituel. Oui, puisqu'il ouvre les yeux, Oui. ben, il y a beaucoup de personnes, voilà, ils reviennent à eux vraiment après ça. Ils reviennent à eux vraiment après ça. Je vois bien les manifestations. Oui, Il y a des gens qui pètent. Qui tombent, qui, voilà. Après ça, ils reviennent. Et puis, des fois, c'est tellement violent que, ben après ça, les gens, on dit ouvrir les yeux, ils ouvrent pas les yeux. C'est comme l'hypnose. Ils ouvrent pas les yeux, ils ouvrent pas les yeux. Et puis, on récite. Pour le moment, c'est 3 fois seulement, on doit citer, ou Shizumali, faire l'action, là, pour faire revenir les gens. Mais quand ils ouvrent pas les yeux, tu retapes encore dans les mains 3 fois et tu refais. Des fois, c'est dur, jusqu'à ce que la personne puisse ouvrir les yeux. Parce que tant que tu as fait 3 fois, tu dis ouvre les yeux, la personne n'ouvre pas les yeux, tu refais. Tu dis ouvre les yeux, la personne n'ouvre pas jusqu'à ce que la personne ouvre les yeux. Donc, déjà, rappelons déjà qu'à la mort d'Okada, le fondateur, en 1974, sa fille Keshu, sa fille adoptée, est entrée en lutte contestative avec l'hérité désignée et puis ça a créé le schisme dans ces groupes-là. Déjà que toutes les sectes se divisent et ainsi de suite, même dans le cadre chrétien, ils se divisent et autres, ils se divisent. Et particulièrement, le pendentif, le médaillon, là, le mitama, qui connaît quoi, les adeptes au Dieu Sou, le Dieu de ces mouvements. C'est contesté par le groupe, par la branche sectaire qui se trouve à l'île de Réunion. Comment est-ce qu'eux, ils gèrent dans leur secte, ils commencent à entrer en contact, ayant contesté cette médaillon-là et cette mise en place de cela? Non, au fait, moi, je ne connais pas cette branche parce que nous, jusqu'à ce que moi je sorte, quand j'ai commencé à faire des recherches pour sortir, Oui. après on va arriver là. Mais avant ça, moi, nous, vraiment, quand on était dedans au Bénin, tu n'as même pas idée qu'il y a tout ça. On vous parle même pas. On croit vraiment que de Oko, de Soukouine, justement, le premier, là, Okada, là, Koto Oui. Dama, là. Au fait, son nom divin maintenant, c'est Sukui-no-Shisama. Et Oui. quand on rentre dans la salle de pratique, c'est comme les loges, voilà, ou les salles, ou une salle, voilà. Quand on rentre, il y a un hôtel tout au fond, on va tout droit, on va saluer ce procès devant l'hôtel. Alors, quand tu vas devant l'hôtel, tu dis Dieu, sous Dieu créateur, puis tu dis Sukui-no-Shisama, puis tu dis, tu salues Oshin-no-Shisama, c'est la fille maintenant qui l'a su, la dame qui l'a Qui l'a remportée, remplacé? sa fille adoptée. Voilà, donc nous, on montre que ce schéma, donc on connaît que ce schéma, on Oui. connaît Dieu sous, puis on connaît Okada là, qui a eu la révélation, puis après qui a passé la main à sa fille. Donc, pendant, même les gens sont dedans jusqu'à maintenant, je suis persuadée, même mon mari, je rentre pas dans les détails avec lui, parce que bon, quand j'ai essayé à chaque fois, bon, il s'intéresse pas trop. Oui. Ils ne savent pas qu'il y a une branche. C'est seulement quand moi je suis sortie dedans, j'ai fait les recherches, quand je sortais dedans, que j'ai su qu'il y a deux branches et que même la branche qu'on suit, qui est répandue, mais vraiment répandue, Oui. qui a son siège en tout cas, comme j'ai dit, en Europe, au Luxembourg, Et au, même la au branche bien Sénégal. répandue mondialement, c'est la branche de la dame, au fait. Oui. Et ils Alors, préfèrent ne pas s'appeler secte, ils aiment s'appeler association pour pouvoir bien narguer les gens. religieuse, voilà. Ça s'appelle association religieuse. Pour y pratiquer un art supérieur, l'art supérieur de Maïkali. Et c'est aussi là que Jésus est censé avoir pratiqué de ses 12 ans à 30 ans aussi. Hein. Oui. Donc c'est toujours rejoint, ils vont tous au même niveau après. Oui. Donc, ils se rejoignent. Voilà. Et là, on commence à comprendre que ça commence à converger vers la franc-maçonnerie et la rose-croix. Parce qu'ils ont ce mystère de Jésus. Où est-ce que Jésus était entre 12 ans et 33 ans et 30 ans? Et qu'est-ce que dans cette secte de Sukiyo Maïkari, qu'est-ce qu'ils disent de Jésus en ce temps, dans cet intervalle? Donc, ben justement, au début, on ne parle pas. Au début, quand vous venez, on vous dit que c'est juste un art spirituel à pratiquer en plus de nos religions. Oui. Que n'importe qui peut venir. Tu peux être catholique, donc nous on était catholiques avant. Tu Oui. peux être catholique, tu peux être musulman, tu peux être tout, tu peux être adepte du vaudou. Tout le monde vient que c'est juste un art spirituel. Et que donc, il renie pas Jésus, mais dedans, on ne parle pas de Jésus du Oui. tout. Mais toi, tu viens, comme on va, on allait au catholicisme et que voilà, on continue de pratiquer les choses occultes, ben c'est pareil. Donc, c'est à force de chercher plus de puissance, de chercher toujours plus Dieu et tout, ben voilà, tout, voilà, on arrive et puis on croit à ça jusqu'à ce que petit à petit, moi j'ai commencé à entendre petit à petit. Voilà, à part que oui, que Jésus n'est pas ressuscité, Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. Tu entends des brides entre des Oui. conversations des gens, des Oui, choses oui. comme ça, Et mais puis, dans les enseignements, jamais tu n'entends ça, oui, dans les enseignements normaux de tous les mois, là, oui, ou mais bien dans. ils injectent de façon subtile pour pouvoir briser la croix de Christ, briser la vie de Christ dans le cœur de ceux qui y vont. Voilà. Mais petit à petit, quand tu rentres dedans et plus tu pratiques l'art, plus tu te concentres que sur cet art et tu te sens supérieur, effectivement, tu vois que vraiment tous les autres trucs là, c'est en dessous que toi tu pratiques. Donc, exactement comme tu as dit, frère, tu commences à. Jésus, ce que tu fais à la base commence à être, voilà, ne plus être. Voilà, tu commences à minimiser ça. Donc, petit à petit, eh ben, moi, on allait moins à l'église catholique, par exemple. Et puis quand j'y allais, autant quand j'allais à l'église catholique, voilà, j'allais prier Dieu, j'allais adorer, j'étais dans le but. Après, autant c'est devenu juste un rituel du dimanche parce que j'allais avec tout le monde, mais je sais que j'étais supérieur, que j'ai mon médaillon, que moi, je suis connecté au Dieu maintenant. Tu comprends. Oui. Donc, voilà. Alors, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent également qu'ils sont vraiment implantés dans l'Afrique francophone, notamment au Sénégal et puis particulièrement en Côte d'Ivoire, où déjà ils ont fait même des points de presse pour faire des propositions, cette association cette secte qui aime à s'appeler association que je nomme Sukio Maïkari Oui. a fait des propositions à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et petit à petit, comme ça, comme tous les autres sectes, ils essayent de s'immiscer dans les affaires politiques de façon subtile, dans les affaires de la vie pour pouvoir engager les gens. Ils ont également, il y a ce qu'on appelle dans la partie nord de l'Afrique, la grande muraille verte, il s'agit de planter les arbres verts pour pouvoir faire cesser la progression du désert. Ils ont impliqué les jeunes là-dedans et on voit effectivement qu'ils font de bonnes œuvres pour pouvoir mieux séduire les gens. Exactement. Exactement. Exactement, c'est ça. Ils ont un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, vraiment, comme je t'avais expliqué un peu, c'est comme les marines, ça, hein, vraiment. Dévoué. Ils sont vraiment dévoués, c'est comme formés comme des militaires, voilà. Et Oui. après, ben, quand j'ai découvert l'origine de celui qui a créé ça, j'ai compris. Formés par des militaires, c'est comme des scouts, quoi. Vraiment, ils ont des formations. Vraiment, quand tu commences à venir, tu trouves ça tellement beau, tellement des jeunes, vraiment Dévoué. pieux, comme ça, droit, dévoués. Tu les vois, tu vois la sainteté, tu vois Oui. la pureté. Mais derrière, mais c'est. Dans l'esprit des samouraïs, ce qu'on voit dans les films des samouraïs, ceux qui étaient soumis à l'empereur et qui pouvaient se donner la mort pour l'empereur, est petit à petit injecté et inculqué dans la vie de ces enfants-là. Voilà. Et ceux qui ont été initiés depuis petits, ben voilà, ils ont les étapes, au fait. Il y a des étapes dans le groupe des jeunes. J'ai oublié les noms, mais il y a des étapes jusqu'à l'adolescence, puis de l'adolescence à un certain âge, il passe de grade en grade aussi dans le groupe des jeunes, exactement comme les militaires, quoi. Comme voilà, quand on fait le service militaire, exactement. Et moi, quand j'ai commencé à aller avec mon père aussi, j'ai vu tout ça et tout. Au début, vraiment, ça m'a plu et tout. Mais comme j'étais toujours, comme je disais, vraiment trop grande dame, moi, déjà, même les jeunes là, déjà, j'étais déjà trop grande dame pour eux, pour me mêler trop à eux. Oui. Donc, je voulais pas trop. J'allais quand même avec mon papa, je faisais la pratique, on partait. Et il faut noter qu'une fois par mois, dans tous les dojos, dans tous les grands dojos de chaque ville, une fois par mois, il y a des petits dojos. Oui. Dans les petites villes, mais les grandes villes, une fois par mois, ils montent tous dans le grand dojo Oui. de la grande ville du pays. Et il y a une cérémonie mensuelle. Oui. Et la cérémonie mensuelle, on appelle ça cérémonie de remerciement à Dieu Sou, à Dieu Créateur. Oui. Et donc, pendant cette cérémonie, ben, il y a tout un tas de rituels. Hein. Il y a, voilà, c'est le jour, vraiment, on reçoit les gens, on fait comme un culte, au fait. Oui. Alors que tous les autres jours, c'est la pratique. On vient, chacun va saluer à l'hôtel, puis s'assoit, puis pratique là, et puis ça passe, toute la journée passe comme ça. Mais le jour là, ben, le dojo chaud, c'est le directeur du centre qui s'appelle dojo chaud. Oui. Il va faire un enseignement, on va faire des offrandes devant l'hôtel, vraiment des offrandes de tous les beaux fruits, de toutes les belles choses que, voilà, que ben, les initiés apportent. Hein. Oui. Et donc, on présente devant l'hôtel, mais vraiment comme. Comment on met les offrandes devant les hôtels là, des dieux et tout là, ou Oui, des choses comme ça. et tout pareil Vraiment. beau. Comment? Et tout pareil beau, bien arrangé, bien propre. Voilà, très bien propre. Il y a une équipe, les équipes qui s'occupent des offrandes, par exemple, de présenter les offrandes. Ils sont spéciaux. On ne peut pas toucher les choses n'importe comment. On doit se laver les mains, se purifier tout le temps, tout le temps. Et vraiment, les gens des camisoles ou bien enfin, comme des tabliers tout blancs qu'ils mettent, ceux qui doivent s'occuper de ces choses, ils ont un groupe spécial qui s'appelle le groupe des Osa, je ne sais plus, enfin, j'ai oublié. Et donc, n'importe qui ne va pas dans les salles où se préparent les offrandes pour aller, n'importe qui ne va pas devant l'autel non plus pour poser les offrandes. C'est un groupe spécial qui s'occupe de ça. Et puis, voilà, c'est la salle, on met les chaises et tout le monde vient, s'installe. Et là, voilà, on récite les différentes sortes de prières, des incantations. Et puis ensuite, il y a peut-être des témoignages que les gens vont raconter. Oh, on leur a transmis la lumière, ils ont réussi depuis. En tout cas, des témoignages, voilà, des bienfaits que Dieu souffert, ou bien des ce qu'ils vivent spirituellement et ce que Dieu sous leur a fait. Et puis ensuite, on fait des annonces. Et puis après, le dojo chaud vient à la fin maintenant faire le prêche, donc donne l'enseignement du mois. Donc enseignant, c'est l'enseignement qui est reçu de la chef du Japon ce mois-ci. Eh bien, c'est cet enseignement que tous les dojos chauds de tous les dojos du monde vont donner ce mois-là. Voilà. Alors, ma soeur, je pose une question claire et directe. Malgré que tu avais cet omitama-là, qui était ce médium qui lie les adeptes au Dieu sourd, avais-tu la paix intérieure que tu cherchais? Non, pas du tout. Au contraire, ça s'empirait justement. Au début, j'étais dans l'euphorie d'avoir découvert Dieu, là, comme je disais. Oui. Et j'étais contente, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, au bout d'une année, même pas. Enfin, de toute façon, bon, je me disais, ben, petit à petit, les choses vont aller. Donc, même si au début, ça n'allait pas, je me disais, ça va être petit à petit, puisqu'on nous enseigne de persévérer, parce que nos difficultés, nos problèmes, c'est parce qu'on purifie. Dieu est en train de nous purifier, de purifier notre âme, de toutes nos impuretés qu'on a accumulées dans les vies passées. Donc, je persévérais et je voyais que, voilà. Mais non, je n'avais pas la crainte. Au contraire, les problèmes s'aggravaient, la situation à la maison s'aggravait, les comportements de mon père envers ma mère, envers nous, envers. Tout s'aggravait, ça s'empirait de plus en plus. Donc, je n'ai pas eu la paix. Et ça s'empirait jusqu'à ce que je vienne en Europe. Mais comment comprendre que le but de cette secte-là, c'est de transmettre la lumière divine par la pomme de pour ce qu'on appelle le kiyomela, pour purifier. Et l'exemple de ton papa dont tu nous parlais nous fait montre qu'en réalité, ce n'est qu'un chimère parce qu'il progressait, malgré cela, il vivait dans la débauche au point d'amener même ses maîtresses là-dedans. Comment comprendre ces choses-là donc? Est-ce que c'était de la purification en réalité? Ben non, ben on voit clairement que ben non, quelle purification. On vous lie encore plus carrément, hein, on vous attache, c'est grave, c'est de pire en pire. Les choses ne se sont jamais aggravées autant dans notre vie. Mon père, il a fait dans la Rose-Croix, il a fait le christianisme céleste, plus tous les trucs occultes qu'il faisait, les trucs traditionnels, tout ça. Ça n'est jamais monté à ce niveau. Hein, moi, je ne comprends, je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Mais petit à petit, comme vraiment, comme j'ai toujours dit, j'avais cet amour pour Dieu. Là, j'étais vraiment persuadée que, ah, en plus, si vous mettez bien dans la tête que plus les choses vont mal, plus vous êtes bien en train de purifier, au fait, de vous purifier pour une meilleure, voilà. Question de vous Donc, maintenir tout de encore suite. davantage là-dedans, d'être plus déterminant. Comment? Dans ce cas, en vous disant comme ça, vous maintenez encore davantage là-dedans. Voilà, dans la captivité, on te lit de plus en plus, tu t'es endoctriné de plus en plus. Oui. Mais voilà. Dans cette secte-là, comment est-ce qu'on traitait les gens qui y sortaient? Est-ce que vous aviez vent de quelques dissidents ou des personnes qui sont sorties et qui essaient de dénoncer en ce moment quand tu y étais? Là, par contre, c'est là où elle est vraiment très, très, très vicieuse. Quand quelqu'un essayait de sortir ou voulait sortir, on ne la retenait pas, on ne créait pas de problème. On disait même, il faut pas faire des scandales. C'est même pas comme les autres sectes où on va te persécuter, on va te. Tout est spirituel. Moi, j'ai compris après que tout est spirituel. La persécution, après, c'est jamais direct, c'est vraiment spirituel. C'est un niveau qui n'a pas, quand moi je suis sortie, c'est Dieu qui m'a sorti vraiment tout seul de là. Quand je suis sortie, c'est si tu n'avais pas, si tu ne rentres pas en Jésus-Christ, et je connais des gens qui sont sortis, et ils ont leur vie vraiment, c'est bousillé. Voilà, ils s'en sortent pas du tout. Alors, tu deviens vraiment, ta vie est bousillée, sans pied. Il y en a qui sont sortis et qui, avant que je parte, moi, je suis restée dedans de 90, j'ai été initiée en 98. Donc, de 98 en 2001, j'ai fait alors 3 ans, c'est ça, hein, au Bénin. Puis après, je suis venue en Europe. Donc, pendant ce temps, je voyais des gens qui sortaient, mais je n'avais pas de relation particulière. Je n'ai pas tissé tellement de liens avec des gens dedans, comme j'ai toujours été vraiment très forte, indépendante, et voilà, je ne me mêlais pas trop aux gens. Et des gens sortaient, mais je ne savais pas trop ce qu'ils devenaient plus que ça. J'entendais que des gens allaient aux églises évangéliques. Donc, ben, dedans, entre nous, il y a un peu de mépris pour ces gens-là qui sortent, quoi. C'est comme s'ils n'ont rien compris. C'est dommage, puisque on est au niveau supérieur de l'art spirituel et puis ils s'en vont. Donc, on sait très bien qu'on se dit que de toute façon, ils vont périr. Et voilà, leur vie va être de pire en pire et ils vont périr, quoi. Eux, c'est foutu pour eux, au fait. Voilà. Voilà. Ma soeur, je ne sais pas si tu es au courant de cela, mais il y a certains enseignements qui sont profonds et profonds là-dedans et qui ont très souvent à ce que quoi, on enseigne dans le christianisme. L'un des grands thèmes des enseignements explique le fait qu'il y a une nouvelle ère qui approche rapidement et que chacun devrait se préparer et préparer les autres à faire partie de cette nouvelle ère très passionnante. Quand il parle de cette nouvelle ère-là, de cette nouvelle ère à se préparer et préparer les gens, les chrétiens, eux, ils parlent de l'enlèvement qui vient d'arriver. Est-ce que c'est la même chose dont il parle dans cette secte-là? C'est pas du tout la même chose, mais c'est très plus après avec la méditation de la parole et ma communion avec Dieu. Je réalise chaque jour encore plus comment c'est tellement près de la vérité. Mon frère, il y a tellement de choses de la Bible et c'est tellement près de la réalité, mais c'est jamais exactement ça. Parce que dès le début, on nous apprend qu'il y a des cataclysmes qui vont arriver sur la terre, en fait. Et quand tu lis les événements des prophéties des derniers temps, tu vois que c'est de ça qu'on nous parle depuis là-bas. Mais ces cataclysmes, c'est pas la purification du monde spirituel que nous on pratique, qu'on va les éviter, ou bien qu'on va s'en sortir, ou bien, enfin, c'est pas au niveau élémentaire, c'est pas très clair. C'est dans les enseignements mensuels là qu'on a un peu des détails sur ce qui se passe. Mais c'est que quand plus on va on fait les initiations supérieures, ils ont plus les enseignements bien détaillés. C'est après que moi, et je continue même de chercher. Même il y a un mois encore, j'ai encore trouvé des choses. Un ancien qui est très, très supérieur, qui est sorti de ça, qui a dévoilé même les enseignements supérieurs, que j'ai lu un peu de choses dessus, que voilà. Je continue de chercher. Donc, ils ne détaillent pas, mais je sais qu'au niveau secondaire, ils ont plus d'enseignements, ils ont plus des choses claires et nettes qu'au niveau supérieur, ils ont tout. Alors, donc, par leur comportement, tu sens que tu les vois, ils se sentent suprêmes plus que tout, quoi. As-tu eu dans tes relations à faire avec le monsieur, le conférencier, docteur Grant Thompson? Grant Thompson, non. Non. Je crois que j'ai lu des choses sur lui. Non, pas du tout. J'ai lu des choses sur lui, je crois. Mais il y a. Moi, c'est Françoise Adifé qui était la responsable de Paris. J'ai été son assistante. Oui, et elle est très, très, un niveau très, très élevé de cette. C'est elle qui était même la responsable régionale de l'Afrique toute entière. elle y est C'est une Française. toujours, elle y est toujours, mais cette femme-là. Normalement, elle était toujours, quand moi je suis, j'ai quitté là-bas, j'ai quitté, voilà, j'ai quitté ça en France, elle y était toujours, et elle était simple, elle était dojo chaud déjà, un directeur de dojo en Côte d'Ivoire dans les années où moi je me suis fait initier là. Puis ensuite, elle est devenue même en dojo chaud du Bénin, je ne sais pas, ou bien je ne sais plus si elle venait régulièrement au Bénin, mais moi j'avais déjà quitté la France. Puis ensuite, elle a monté de grade, elle est partie de Jojo de Paris, donc elle est montée à Paris. Puis ensuite, elle est devenue, j'ai oublié le nom aussi, c'est un terme, Chidobusho, voilà. Les centres régionaux s'appellent Chidobu. Donc Côte d'Ivoire, c'est le Chidobu, voilà, de De l'Afrique. l'Afrique, Donc, elle était devenue Chidobusho, voilà, de toute l'Afrique et de l'Europe aussi, je ne sais plus trop quoi en tout cas. Voilà. Elle montait de grade, donc c'est une dame qui est très très puissante, qui est dedans. Françoise Adifé, pratiquement tout le monde la connaît dans tous les dojos normalement en Afrique et comment on les appelle? Les îles, dans les îles Dans aussi. les îles, l'île de la Réunion particulièrement et Martin. Voilà, dans les Antilles, parce que voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de. Ils sont beaucoup aussi dans les Antilles. À Paris, il y a beaucoup d'Antillais aussi dans le dojo de Paris. Donc, elle est vraiment très connue. C'est une qui a été vraiment. Parce que ceux qui arrivent, c'est là, ceux qui ont suivi, ils ont été à tous les niveaux, ils ont vécu au Japon, ils ont fait des formations et des trucs dans Suza. Le centre au Japon s'appelle Suza. C'est à Le Takaya, centre. dans la ville de Takayama au Japon. Voilà, et donc c'est là que Dieu est censé descendre. Dieu sous-réside là-bas, a choisi de résider là-bas. Il est descendu là. Donc, il y a Souza, le grand temple mondial où ils se réunissent tous, tout le monde va, il y a les cérémonies et tout ça. Et maintenant, derrière ce temple, il y a petit Souza. Ça, on voit que les images. Et c'est le temple en miniature. Et apparemment, il n'y a que la dame là, l'impératrice là, le Seishu là, qui va là-bas. Et c'est là que se fabriquent tous les objets sacrés, les autels, les stèles, nos omitamans, tous ces trucs apparemment. Et personne ne va là, à part elle. Bon, ma soeur, allons maintenant droit au but au niveau de la transition. À quel moment a commencé la soif, de quitter ou bien quoi, la recherche de la vraie vérité cette fois-ci, et comment le Seigneur a commencé à travailler en toi. Voilà, dès que j'ai quitté le Bénin pour la France, les choses se sont empirées dans ma famille. C'est-à-dire que, comme je disais, c'était comme si j'étais un socle, j'étais un peu ce qui faisait tenir ma famille entre ma mère, mes frères et mon père, au fait. Je faisais tampon. Et vraiment, ça a été ça toute ma vie et mon fardeau. Et voilà. Mais dès que je suis partie, quand je partais, le jour, je partais, j'étais dans l'avion, je crois, oui, je pleurais parce que mon père m'avait envoyé pour les études en France. Donc, je pleurais, je disais, c'était comme si mon Dieu, ma mère et mes frères sont foutus, quoi. J'avais ce sentiment. Et donc, je suis venue en France, mais ça n'a pas duré. À peine, je ne sais pas, à quelques mois, je suis venue en fin du mois d'août pour la rentrée de septembre. À peine quelques mois, ça a commencé à se dégrader. Mon petit frère qui me suit a commencé vraiment à se rebeller violemment contre mon frère, contre mon père, contre Oui, mon père. oui. Et Et puis, celui-là, et voilà. ton ce grand frère-là, est-ce qu'il y était aussi dans la secte? Oui, c'est mon petit frère. Et, C'est ok, lui ton petit frère. qui vient après moi. Je suis l'aîné. Et vous Oui, il suivez. était aussi. Vous C'est suivez. ce que j'ai dit. Oui, Pardon. vous suiviez les mêmes enseignements, toi, papa, maman et vous tous, mais là, la violence était de terre à la maison. Oui. Mon Pourtant. papa, il continuait de mépriser, voilà, de maltraiter de ma mère et tout ça. D'ailleurs, il n'allait même pas, par exemple, il n'allait jamais au dojo avec ma mère ensemble. Il va Oui. prendre sa voiture. Et les jours de cérémonie, par exemple, les dimanches, c'est un dimanche par mois, il va prendre sa voiture. Moi, je vais partir avec lui. Et puis, le chauffeur va amener ma maman et mes frères avec une autre voiture. Il n'allait jamais avec ma maman, il voulait jamais ma maman avec lui. Oui. Même les gens savaient très bien qu'il était marié, que c'est ma maman. Donc, nous, on allait déjà, lui et moi, on allait très tôt le matin. On fait partie des gens qui préparent la cérémonie, qui transmettent la lumière aux gens, le temps de se préparer. Et puis après, ma maman et mes frères venaient après. Et puis, ils repartaient toujours seuls aussi. Et puis, mon papa et moi, ben, après, on va sortir, on va aller au restaurant. En tout cas, voilà, on était séparés toujours comme ça, malgré que j'ai ramené ma mère et mes frères dans la secte. Oui. Donc, du coup, eux, ma mère et mes frères subissaient toujours les mêmes choses. Et moi, j'étais là à me battre pour eux. Mais quand je partais, j'avais cette impression que c'était foutu. Et dès que je suis partie, mon frère a commencé à se rebeller violemment contre mon père. Et lui, ben, il a tout, au lieu de, voilà, comme un père, prendre son fils et le redresser, ben, il rejetait toujours toute la faute sur ma mère. Et avec la secte, ils se sont ligués maintenant contre ma mère. C'est sa faute, c'est si, c'est lui qui, c'est elle qui pousse mon frère à faire des bêtises, à se rebeller contre mon père. Et ça a commencé, c'était des histoires, mais pas possible. Et mon père devenait vraiment très violent, voulait chasser ma mère de la maison. Et voulait, en tout cas, c'était un trouble terrible, terrible. Et j'angoissais ici, mais je disais, c'est quoi ça? Mais moi, quand je suis venue ici, j'ai rejoint le dojo de Paris. Donc, je m'efforçais, donc je continuais mon combat, en fait, moi, pour ma famille. Je savais, j'avais ce fardeau-là. Mais je continuais, j'avais quand même la colère en moi un peu de pourquoi c'est lui? Pourquoi, justement, on dit que quand on subit les choses, justement, on nous apprend que on a les enfants qu'on mérite, la mère qu'on mérite, le père qu'on mérite. Donc, qui ta mère ou ton enfant te fait subir des choses, tu dois remercier Dieu sous et accepter la purification. Et je disais, mais pourquoi lui, notre père, lui, il ne remerciait pas et il n'acceptait pas et il faisait que condamner, punir et maltraiter. Donc, j'étais, voilà, je disais, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, mais dans ce c'est pas normal, j'ai commencé à continuer ici, vraiment, à évoluer dedans. À évoluer dedans, normalement, pratiquer. Et je faisais tout aussi pour faire mes études, pour être toujours la fille parfaite là, pour ne pas créer des problèmes, pour qu'ils voient par rapport à moi, pour avoir pitié de ma mère, de tout ça. Donc j'avais, voilà. Et je restais au fait, je ne pouvais surtout pas le contrarier. Il fallait surtout pas que je le contrarie ou bien que, voilà, parce que le moindre truc, c'est ma mère qui va en prendre. Donc j'avais cette peine tellement pour ma mère et mes frères et soeurs que je me sacrifiais, moi, à continuer à vouloir avancer, à me perfectionner dans cette secte, que ça aille mieux, au fait. Et Voilà. donc, plus ça passait, j'ai passé 5 ans, alors, Bon, 7 ans, 7 ans à Paris, à tourner en rond, à aller d'échec en échec, à aller de maladie en maladie. Ma situation s'empirait parce que c'est ma détresse. Eh Oui. bien, avec, dans le monde, on dit c'est psychologique, donc j'allais mal. Donc je souffrais. Et ma famille en Afrique aussi allait de plus en plus mal. Mais mal, il y avait mal. Donc je souffrais, j'étais dans une souffrance. Alors qu'avant, j'allais bien à l'école, je travaillais bien à l'école. Ma situation, je ne réussissais pas. J'ai commencé une série d'études, j'échouais tout le temps, j'ai laissé tomber ça, j'ai fait encore une autre. Pourtant, c'était une fille brillante. Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais une fille brillante. Mais à partir de mon adolescence, vers mes 15-16 ans, là, ça a commencé, les problèmes à la maison ont commencé vraiment à m'atteindre. C'est là j'ai redoublé ma première et j'étais tout le temps malade. J'ai fait la première fois la première. J'étais tout le temps malade et comme j'avais le problème sur la tête, là, que j'avais expliqué l'autre fois, Oui. près de l'épilepsie et tout ça. Donc c'est ça, donc c'est les problèmes et les soucis qui petit à petit commençaient à me prendre. J'étais tellement tout le temps malade que la première, quand j'étais dans la première fois à la classe de première, ben, il a commencé à m'amener là au fait. Et c'est là que je me suis fait initier. Donc j'ai redoublé la première. Donc j'ai refait, après mon initiation, j'ai refait ma première. J'ai bien réussi ma première. Alors cette fois-ci, je suis passée en terminale. J'ai eu mon bac d'un coup. Et puis, comme il y avait le projet de m'envoyer en Europe pour les études, j'ai commencé à aller à l'UNB, l'université du Bénin, là, de Cotonou. Oui. Je suis inscrite dans une branche en attendant en sciences chimie, biologie, en attendant d'aller en Europe. Donc, je ne prenais pas trop ça au sérieux, au fait, puisque je sais que de toute façon, je faisais mes papiers pour venir continuer mes études ici. Donc, mais à partir du moment où je suis venue ici, alors non, je suis devenue cancre. Il n'y a rien qui rentrait, je souffrais, j'étais dans une souffrance. Et j'avais, voilà, en plus, la conviction que je suis en train de purifier. Oui. Donc, tu rentres dans un cercle vicieux, tu souffres, mais tu acceptes la souffrance, tu sais pourquoi tu souffres et tu sais que tu dois souffrir, tu ne fais que remercier et t'acharner au fait spirituellement. Oui. À encore faire, à aller te purifier au dojo, peut-être plus tu viens pratiquer là. Donc, tu peux aller passer toute une journée à pratiquer là au dojo. Là où j'habitais à Paris, était loin. Le centre, à Paris 13e, Oui. Paris 13e, le centre était loin, mais j'habitais en banlieue, j'allais régulièrement passer toute la journée là, à pratiquer, tu peux transmettre la lumière à au moins 5-6 personnes par jour, voilà, tu fais le ménage, tu fais des activités, on te parle de, il y a plein de choses pour purifier au fait, pour te Oui. purifier, donc voilà, j'ai beaucoup souffert. Et à quel moment donc exactement commence vraiment ton retrait de cette secte-là? Voilà, donc j'ai continué jusqu'à au bout de 7 ans, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Et j'ai changé de ville en France, j'ai changé de ville, je suis partie dans une autre ville. Mais ça continuait. Et puis j'ai rejoint le dojo du groupe là aussi, de la ville là aussi. Mais ça continuait. Les détresses, les problèmes à la maison. Mon père, il a carrément. Entre-temps, il faut que je dise ça quand même avant de continuer. Entre-temps, ma mère n'a pas supporté longtemps. Quand je suis partie, je crois qu'au bout de la première année avec les persécutions de mon père, elle était tellement dans une détresse, elle aussi, qu'elle cherchait un jour, elle a dit, elle était juste en train de se balader, ou bien elle revenait du marché ou bien d'une course avec des dames. Elle est passée devant une assemblée, elle entendait du bruit, des prières, tout ça, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est rentrée dedans, ma mère. Et Oui. quand elle est rentrée, c'est une assemblée d'une femme qui était prophétesse à cette époque-là. Mais quand elle est rentrée, elle a dit, ah, les gens priaient, elle a dit, les choses lui disaient devait passer devant, mais la chose lui disait de rentrer dedans, d'aller. Et la chose l'a poussée à rentrer dans l'assemblée. Quand elle est rentrée, elle s'est mise debout là, et puis elle s'est mise là, a commencé à prier avec les gens. Attends, et elle a reçu une parole. Quelqu'un a parlé, je ne sais pas si c'est la dame ou bien si, en tout cas, quelqu'un a commencé à parler, a dit que voilà, il y a une dame qui vient d'arriver ici et qui a parlé de toute sa vie. Oui. Et que et là, qui a parlé, et là, elle s'est sentie, elle a reçu Christ en fait. Oui. Normalement, elle a reçu Christ alors dans cette assemblée. Donc, elle a commencé petit à petit à aller à l'église, à l'assemblée là. Oui. Elle a commencé petit à petit. Donc, elle a pu avoir, comment dire, un souffle de vie, quoi. Oui. Voilà, elle a trouvé, voilà, elle s'est sentie Un peu libérée, elle a trouvé de Christ. repos de son âme, quoi. Son âme était un peu en paix. Voilà. Et alors, elle a commencé à amener mon petit frère qui commençait, qui créait des problèmes et tout ça. Là, et ma petite soeur qui venait après lui. Et donc, et alors la persécution s'est acharnée. Mon père n'a pas accepté ça. Et donc, c'est là la persécution s'est acharnée. Mais maman sait, ma maman sait, le Seigneur lui a donné la force. Elle s'est accrochée jusqu'à avoir la force d'aller leur rendre leur mitama, à braver mon père. On ne pouvait pas faire ces choses-là. Donc, le Seigneur a déjà libéré ma maman à moitié à ce moment-là, à braver mon père, aller avec mes frères, aller leur rendre leur mitama, qui ne veut plus. Alors, tout le monde l'a condamné dans la secte, là, que c'est à cause d'elle que mon père a des problèmes, donc c'est sa faute, elle n'a pas. Et moi aussi, ici, hein, justement, hein, moi aussi, parce que moi, j'étais liée à mon père, je disais, je pensais vraiment que c'était pas bien. Mais à un moment, je disais, bon, ah, comme si c'est comme ça, elle va trouver ça, fait tant mieux. Mais j'ai compris que alors c'est foutu, alors la séparation, c'est foutu alors. Donc, voilà. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que finalement, mon père s'est construit une autre grande maison, puis a quitté la maison où on était tous là. Puis il avait plein d'autres maisons, mais là, il a construit une nouvelle, une autre maison. Puis il est parti, il a dit que ma maman a le feu à la maison, que ma maman est devenue une sorcière, il ne peut plus vivre là et tout ça. Et il est parti. Il est parti. Donc, entre sa maman s'est convertie, et puis elle a commencé à aller, c'est l'église évangélique à Cotonou, là. Oui. Voilà, elle a commencé vraiment, et elle me fortifiait ici, elle m'envoyait la Bible, des livres de prière et tout ça, mais moi, j'ai rejeté ça. Moi, j'avais les livres supérieurs de Maïkali, là. Oui. Donc, je n'écoutais pas ma maman, au fait. Mais je la laissais dans son truc, mais toujours pensant que c'est moi qui ai la solution pour les problèmes, oui. Pas son église évangélique qu'elle a trouvé, là. Donc, maman intercédait quand même beaucoup pour moi. Elle était vraiment, voilà, elle est, voilà, donc elle a continué à vraiment persévérer dans cette assemblée-là de la femme prophétesse, qui est devenue d'ailleurs femme apôtre là aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est un autre livre que, voilà, je finis de m'incarner. oui. Donc voilà, c'est la première libération qui a commencé dans ma maison. Le Seigneur a délivré mon maman en premier de ça. oui. Et puis donc, quand moi j'ai quitté la ville, j'ai continué ici, dans la nouvelle ville aussi. Et puis mon père qui venait de quitter la maison, il y avait tout le temps des histoires. Je souffrais tellement ici, je souffrais, mon père, je souffrais tellement. Qu'à un moment, je disais, je m'agenouillais, j'ai commencé vraiment là. Je errais vraiment dans la ville où j'étais parce que rien n'allait. Tout ce que j'ai dit, je vais venir faire dans cette ville parce qu'à Paris, ça n'allait pas. Tout s'empilait toujours. Je dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Je me mettais à genoux. Mon frère, le Seigneur dit dans sa parole que quand les justes crient vers lui, les entend les délits de leur détresse. Le Seigneur m'a délivré de mes détresses. Amen. Je me mettais à genoux. Je ne savais pas comment prier. Alors, parce que dans Maïkali, on a des rituels de prière. Je ne priais même plus église catholique là et tout ça. Oui. Je n'arrivais même plus à prier. Mais voilà, mais je me mettais à terre et je priais seulement. Je parlais seulement en l'air comme ça en disant, Dieu, vraiment, si je suis vraiment avec toi dans ce truc, montre-le-moi. Mais parce que je ne peux pas comprendre et accepter que le Dieu que j'ai dans mon cœur, la conviction de Dieu que j'ai, on peut être en Dieu. Et être en train d'adorer, de servir ce Dieu, subit tout ça. J'avais cette ferme conviction-là et je pleurais par terre dans une petite chambre d'étudiante. Là, je pleurais par terre, je disais non. Et petit à petit comme ça. Et je commençais à errer. Donc, je commençais à délaisser petit à petit. J'ai commencé à ressentir le besoin de retourner à l'église catholique petit à Oui. petit. Donc, j'ai commencé à retourner à l'église catholique en allant toujours dans la secte, en Italie. Hein. Oui. Mais quand j'étais allée à l'église catholique, je ne me sentais plus bien du Oui. tout. Alors, j'ai commencé, je crois, un soir d'un réveillon de Noël ou bien du 31, je suis allée. Je n'arrivais plus à rien suivre parce que là où d'où je viens alors maintenant que Oui. j'ai vu quoi l'idolâtrie, quand je rentre dans l'église catholique, je vois que non, les statues, tout ça, je n'arrivais plus. Oui. Et je n'arrivais plus à se réciter non, notre Père, à m'asseoir quand on dit asseyez-vous, à me lever quand on dit. J'étais là, j'allais comme spectateur, je me croisais mes jambes et je suivais la messe jusqu'à la fin, je sortais. Oui. Et je disais non, c'est voilà, mais je suis allée une ou deux fois le dimanche, j'essaie d'aller le matin à l'église et tout ça, mais je voyais que ce n'était pas ça. Et petit à petit, mon frère, j'ai commencé à entendre la voix là. Il faut que je lise la Bible. Ce n'est pas une voix audible. Oui. C'est pas je n'entends pas. C'est les convictions, c'est donc voilà, je ressens la chose en ça fond. venait dans C'est ton cœur profondément qu'il faut que tu lises la Bible. faut que je lise la Bible. Il faut que je lise la Bible. Et là, j'ai commencé vraiment. Alors, voilà, et ça me piquait aussi. Je gardais les enfants d'un couple à ce moment, un couple d'intellectuels qui avaient leur bibliothèque remplie de tous les grands livres de ce monde-là. Oui. Mais ils n'avaient pas la Bible. En tout cas, je fouillais, je ne trouvais pas la Bible. Et là, j'ai commencé à lire, à trouver la Torah. J'ai commencé à lire la Torah. J'ai lu la Torah, j'ai lu la Torah jusqu'à ce que, à un moment, ça m'a fatigué, j'ai laissé tomber. Il y avait le Coran dans leur bibliothèque. Je prenais ça. Quand les enfants étaient à l'école, j'étais seule dans la maison en attendant qu'ils reviennent, quand j'ai fini de préparer ce que je devais préparer et tout. En attendant d'aller chercher les enfants à l'école, j'ai commencé à lire le Coran. Alors j'ai lu le Coran, j'ai lu le Coran, j'ai lu le Coran. Parce que je me disais, si Dieu était dans le Coran, mon frère, je serais devenu musulman. Parce que j'ai lu la Torah alors et j'ai lu le Coran alors avant de pouvoir aller lire la Bible. Donc, comme je ne croyais pas ce que je trouvais dans la Torah et tout ce que la conviction, étant un peu catholique déjà, et qu'on est voilà Jésus et tout ça, et tout ce qu'on me disait, ça ne me convainquait pas. Je me disais non, et puis les révélations, tout ce que je voyais dans le Coran, non, mais non. Et j'ai commencé alors à aller sur Internet, à faire des recherches sur l'origine, mon frère, sur l'origine des religions, l'origine de l'Église catholique. Comme ça, j'avais les choses, je ressentais les choses comme ça me tapait vraiment dans la tête. Il faut que j'aille faire, je tape, je ne sais même pas comment j'arrive, ce que. Voilà, le Seigneur me mettait à cœur de taper telle chose sur Internet et je commençais à fouiller, à fouiller. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé justement à laisser, je commençais déjà à laisser un peu le médaillon à la maison. Parce qu'on a un boîtier toujours dans nos chambres où on dépose le médaillon. Il y a une petite boîte, puis il y a une grande boîte, on dépose dessus toujours en haut. Il ne faut jamais qu'il tombe à terre. C'est une table qui se souille jamais. Il ne doit jamais tomber en dessous de notre nombril. Avant d'aller se doucher, on doit le déposer, on récite les incantations, mais on fait un culte au médaillon en fait. Donc, je commençais à le déposer le médaillon et à ne plus sortir tout le temps avec parce que ça me fatiguait, la chaîne me dérangeait. Donc, petit à petit. Et puis, quand j'étais déjà ici aussi, des fois, il y avait des sorties, je voulais faire et tout. Quand je vois vraiment que tu vois vraiment, tu es, quand tu as le médaillon, tu ne peux pas être bien normal dans les gens, quoi, parce que tu as tout le temps la crainte que quelqu'un touche la chaîne, le médaillon et le souille, au fait. Donc, des fois, petit à petit, je commence à laisser le médaillon à la maison. Donc, plus j'allais dans mes recherches et dans cette soif-là, plus je me désintéressais un peu, j'allais aussi nonchalamment toujours là-bas, aux cérémonies mensuelles, mais j'étais dans ma quête. Et donc, j'ai commencé à voir les origines des religions, l'Église catholique, le culte du mari, du Seigneur. J'ai commencé à faire les recherches comme ça, tout seul. Petit à petit, j'ai fait OK. Donc, je voyais, je voyais, je voyais, je voyais. Après, j'ai fait OK. Je sais où je dois aller alors, vraiment. Donc, ce n'est pas l'Église catholique que je dois aller parce que quand je vois tout ça, les noms. Et puis, j'ai commencé à ressentir vraiment le besoin de lire la Bible aussi. Et je n'avais pas de Bible, je ne savais pas où trouver une Bible dans la ville là, où trouver une église évangélique non plus. Je commençais à chercher des adresses, des églises évangéliques et tout ça, mais j'ai commencé voilà, à chercher des adresses. J'ai vu en faisant mes recherches que c'est à une église évangélique que je dois aller en fait, sans que personne ne prêche ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à aller à chercher des adresses et les dimanches. Comme ça, je errais, traversais la ville jusqu'à tomber sur une adresse. Je rentrais. Quand je voyais les go, bah, là, j'allais une fois ou deux, je disais, non, ça ne me va pas, non, ça ne me convenait pas. Les gens qui tombent, les trop de centrisme et tout ça, là, dans voilà, je ne me sentais pas, je sortais, j'allais encore. Et je restais caché, bien au fond, pour voir ce qui se passe, que je sentais. Jusqu'à ce que j'avais une tante à Paris. Elle aussi, elle est convertie. Et voilà, j'ai eu à cœur de monter à Paris pour aller à son église avec elle. Donc, quand je suis montée à Paris, elle m'a amenée dans une église pentecôtiste, vraiment comme les anciens, un peu des anciens temps, le plus proche, voilà, de la vérité. De Et l'ancien elle monde. M'avait amenée là. Le culte, ils ont fait l'appel des gens là qui ne vont pas bien, qui sont malades et tout ça pour la prière. Alors je suis allée et voilà, il y a le cortège des pasteurs, des anciens là qui imposent les mains et tout ça. Ils ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains, je suis tombée par terre. Après, on m'a fait asseoir. et tout ça. Mais franchement, même là, mon frère, c'était comme quand je faisais dans Maïkali, Oui. j'avais toujours ma résistance là, Oui. de je ne veux pas tomber à terre comme tout le monde là. Oui. Et comme certains témoignent, j'ai vu après que d'autres ont témoigné, ça ne m'est pas arrivé à moi seule. Je sens, ils sentent, ils te posent les mains quand ils voient que tu résistes. Oui. Ils ont mis une pression, mais vraiment imposante, avec leurs mains sur mon épaule et ma tête jusqu'à ce que je tombe. C'est Oui. qu'ils t'accompagnent en mettant la pression sur toi jusqu'à ce que tu tombes. Oui. Ça, j'ai vécu jusqu'à maintenant. Oui. Mais en même temps, je me disais, voilà, si c'est que, voilà, il fallait que je sois délivrée de toute façon. Donc, voilà, quand je voyais la pression comme ça, même jusqu'à, voilà, je me suis laissée aller, voilà, je me suis. Mais ce n'est pas comme si j'ai perdu connaissance ou que je n'étais pas consciente du tout. Oui. Donc, je me suis laissée aller à m'écrouler. Donc, on m'a fait asseoir. Et puis, on a prié pour moi. Et puis, après, je suis retournée dans les rangs, rejoindre ma tante. Et puis, à la suite de ça, je suis allée à la bibliothèque là, de l'Assemblée. J'ai dit à ma tante, je voulais une Bible. Donc, on a acheté une petite Bible. Et Oui. je suis partie. Et ma tante, elle est partie. Moi aussi, je suis rentrée. Je suis retournée dans la ville. Je suis retournée d'où je venais là. Et Oui. donc là, je suis revenue chez moi. Et tu as J'ai commencé à saisi lire la ça. Bible maintenant? Et j'ai commencé à lire la Bible maintenant, mon frère. Et j'ai commencé au début, j'ai commencé comme tout le monde. Enfin, j'ai commencé là, voilà, à lire l'Ancien Testament. Je découvrais des choses jusqu'à arriver à Lévitique, Deutéronome, là. Je fais, oh là là, c'est trop. Je commençais vraiment, mais j'aimais ça. Oui. J'aimais ça. Quand je sortais, j'allais travailler, j'avais hâte de revenir dans ma maison, de prendre ma Bible et de continuer à lire, de découvrir. J'étais dedans tout le temps, tout le temps. Et puis je disais, je me désintéressais de plus en plus de Maïkali là. Oui. Et puis petit à petit, après, comme je continuais de faire mes recherches, une fois je suis tombée sur, je crois que comment lire la Bible, je ne sais pas, des trucs comme ça sur Internet. Il faut commencer par le Nouveau Testament quand on est nouveau et tout ça, avant, après, et après il faut aller lire l'Ancien Testament. Et après j'ai fait, ok, ben c'est ce qu'il faut alors, parce que là, c'était trop fort là, de plus en plus l'Ancien Testament. J'ai laissé, donc j'ai commencé à lire le Nouveau Testament maintenant. Oui. Et j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai commencé vraiment à dévorer vraiment la parole, vraiment. J'aimais, je lisais, je me libérais, le Seigneur me libérait. Petit à petit, je lisais, je recevais le Seigneur dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Mais vraiment, jusqu'à ce que vraiment, le Seigneur m'a délivré pour sa maman, mon frère, comme ça, seul en lisant ma Bible dans ma chambre. Amen. Vraiment, en acceptant la parole du Seigneur dans mon cœur, parce que je disais, c'est ça. À chaque fois que j'avançais, je disais, c'est ça. Quand tu Puis lisais, après que je suis. ce que tu ressentais était différent de tout ce que tu as toujours ressenti. Tout, tout, tout, tout. C'était vivant, c'est tout ce que j'ai eu toujours à cœur depuis petit, au fait. C'est ma sainteté, ma perfection, là. Tout ce que, pourquoi tout le monde me haïssait, je haïssais le monde, je haïssais tout le monde, je trouvais tout. C'était ça, au fait. Voilà, j'avais les réponses et je disais, mais c'est. Voilà, je me disais, mais c'est pas moi qui suis pas normal. C'est les gens, ils sont pas normaux. Je disais ça. Je disais ça, j'étais heureuse, j'avais vraiment la joie. J'étais contente. Alors, donc, plus j'allais, plus après, je suis tombée là, j'ai la Bible devant moi. J'ai ouvert, je feuilletais, je suis tombée pile sur la page de Éphésiens 6, là. Oui. Vraiment. Éphésiens 6, et j'ai lu ça du verset 1 à 6, là. En tout cas, Oui. au moment où le Seigneur dit au père aux enfants d'obéir à leur père, mais au père de ne pas arrêter leurs enfants. Quand j'ai lu ça, m'a libérée. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Oui. Merci, parce que oui, c'est pas parce que j'avais cette conviction-là aussi dans le cœur qu'il fallait pas que je déshonore mon père, au fait, oui. que je me sais pas, je n'ai pas cette puissance, cette force de dire non à ça. Tu vois? Et quand j'ai lu cette parole, ça m'a libérée. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Et puis j'ai lu aussi la parole, si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais, moi, ton Père céleste. Oui. Oh, j'ai dit, amen, merci mon Dieu. Et là, j'ai trouvé vraiment le secours dans le Seigneur. Et j'ai beaucoup commencé, j'ai reçu Christ, j'ai cherché alors comme j'ai continué sans rien dire à mon père, là, Oui. ni à ma mère et tout ça, là. Ma volonté de vouloir de vouloir chercher une église là, parce que je connaissais que ça. Il fallait, bon, quand je reçois tenir la Bible, on va à l'église évangélique. Donc j'ai continué jusqu'à finalement, je suis tombée aussi sur une assemblée vraiment tout simple. Où quand j'allais, les mamies blanches là, qui étaient là et tout, elles viennent, elles ont leur tête voilée. À chaque fois, elles viennent prier, elles se voient la tête. Je les voyais, mais je ne comprenais pas. On n'enseignait pas dessus. Ce sont des blanches là. Oui, ce sont des blanches. Je suis allée dans une assemblée de, voilà, c'était une assemblée pentecôtiste, vraiment les assemblées de Dieu. On a l'assemblée de Dieu, France, Belgique et Suisse, ils ont les congrégations. En tout cas, c'est une branche de, voilà, des assemblées de Dieu. Mmh. Vraiment, c'était des pasteurs français blancs et tout ça, mais vraiment des anciens. Oui. Donc, il n'y avait pas les gros là, que j'évitais là. Il n'y avait pas tout ça là-bas. Vraiment, quand on venait, vraiment, j'aimais la parole. C'était dans la simplicité, mais avec tout, vraiment, tout ce qui est déjà incrusté dedans. Voilà. Mais au moins, c'était dans la simplicité. Il y avait la chorale, il y avait les louanges. Mais c'était des louanges simples et pures, vraiment, qui allaient dans mon cœur. Il n'y avait pas d'excentricité. Et j'aimais ça. Donc, j'ai commencé petit à petit à aller à cette assemblée-là. Et à continuer à lire la parole. Et à m'affaiblir. Alors, j'ai arrêté complètement d'aller à Maïdan, j'ai arrêté complètement, je n'y allais plus. Et donc, mais comment là-bas, on te cadre bien, oui. Puisque quand tu viens dans un dojo, tu appartiens à un groupe de maisons, parce que on est sectionné dans toutes les villes. Oui. Il y a les coordinateurs de chaque quartier ou de chaque deux, trois quartiers qui sont voisins, ils ont un coordinateur, vous connaissez un groupe, vous rendez des comptes, vous faites des choses ensemble. Donc, ils ne me voyaient plus, mon coordinateur ne me voyait plus. Donc, forcément, ils ont commencé à m'appeler. Je ne répondais pas, ils laissaient des messages, je ne répondais pas. Et je continuais à aller au culte là. J'allais tout le temps, les moments de prière, les mercredis ou les vendredis, j'allais, j'étais contente, vraiment. Et là, petit à petit, j'ai compris dans la parole, toute seule, que je devais me baptiser. Mon baptême à l'église catholique, ça, c'était pas ça. Oui. Donc, je suis allée, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, à rester dans le fond de l'église, jusqu'à ce que là, j'ai décidé, d'aller voir le pasteur, de me présenter et de prendre un entretien. Et de lui, mais toujours dans mon truc de c'est moi qui maîtrise et gère ma vie, quoi. Je ne suis pas venue qu'on me raconte n'importe quoi, là. Oui. Donc, à la fin d'un culte, j'ai attendu les pasteurs viennent nous devant pour saluer les gens quand ils partent, là. Donc, j'ai attendu, quand tout le monde est parti, j'ai dit bonjour, je me suis présenté, j'aimerais avoir un entretien. Donc, le pasteur m'a donné rendez-vous et je suis venue à l'entretien. J'ai raconté alors ma vie et mon parcours un peu et comment j'ai reçu Christ, j'ai découvert maintenant la Bible et que maintenant, comment j'ai reçu Christ et que maintenant je veux me faire baptiser et que je ne suis pas venue. Que j'ai bien vraiment fait comprendre au pasteur que je ne suis pas venue pour qu'on m'embobine ou quoi et tout ça. et que je sais d'où je viens, ce que je recherche, je sais que j'ai trouvé mon Dieu et tout ça. Oui. Quand j'ai fini de parler, le pasteur il a juste dit waouh, il n'y a plus rien à me dire que. En tout cas, je sais, on voit bien que je sais très bien ce que je veux. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un cours de baptême. On peut commencer le cours de baptême. Je peux commencer le cours de baptême. Et j'ai commencé alors mon cours de baptême. Et je crois, je ne sais pas si ça a duré un mois ou deux aussi. Et ensuite, je me suis fait baptiser. Et quand je me suis fait, je ne sais pas si c'est après le baptême ou avant le baptême. Non, pendant que voilà, après que j'ai reçu toutes les révélations de la part du Seigneur, là, comment le Seigneur m'a libéré de l'emprise de mon père là. Oui. Mon Dieu, d'abord j'ai pris un temps, j'ai écrit à mon père. Oui. Je lui ai écrit un long courrier de je ne sais pas combien de pages. Oui. Je lui ai écrit tout ce que j'ai enduré, les souffrances qu'on endurait, tout ce qui nous a fait subir, tout ce que je ressentais, toutes mes souffrances depuis mon enfance jusqu'à maintenant, ce que j'endure ici, ce que j'endurais pour lui, ma mère, mes frères, tout ce qu'on subit à cause de lui, mais il ne voit pas et tout ça. Mais j'ai tout couché sur vraiment les feuilles. Je lui ai écrit. Puis j'étais contente, je me suis libérée. Maintenant, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de ne pas mourir. Parce que j'ai décidé que si je ne me coupe pas de lui, que je vais mourir, que je veux vivre. Et j'ai écrit tout ça. Oui. Et je lui ai envoyé. J'avais une tante qui partait en Afrique à ce moment. J'ai envoyé. J'ai même fait une photocopie, je crois, à ma tante là de lit, parce que ma tante aussi voyait comment je souffrais, s'il ne comprenait pas le comportement de mon père et tout ça. Donc je lui ai dit de lire. Ma tante a dit, waouh. J'ai dit de lui envoyer, parce que c'est une cousine à mon père. Il dit, c'est ton frère, tu vas lui donner ça. Et quand j'ai eu la certitude que ma tante est allée et lui a remis le courrier, j'ai coupé. Pendant que je recherchais, là, j'ai su que maintenant il a reçu le courrier. Dès qu'il a reçu le courrier, j'ai coupé contact avec lui. Il m'appelait, je ne répondais plus. Je savais qu'il fallait que je coupe tout le monde avec lui, le temps de me fortifier, de m'affermir dans le Seigneur. Donc pendant tout ce temps, j'ai tout coupé avec lui, vraiment, jusqu'à il persécutait ma mère. Il disait, où est-ce que je suis pas? J'ai disparu, je ne réponds plus à ses appels. Il commençait à devenir fou parce que justement, il y avait cette emprise-là sur moi. Il y avait ce lien que. Il pouvait pas se passer de moi comme je pouvais pas se passer de lui, mon père, au fait. C'est ça. Oui. Et et là, il voyait qu'il t'avait perdu là, directement. Voilà. Et malgré tout ce qu'il fait, j'ai subi à la famille là-bas. Moi, ici, il faisait toujours bonne figure auprès de moi. Hein. Je Oui. suis rentrée même 2 fois en Afrique et j'ai vu les situations. Je lui parle, il m'écoute, il dit d'accord. En fait, il m'écoute, je suis le seul à le raisonner. Mais il Oui. m'écoute, mais il n'en fait qu'à sa tête. En fait, il trouve toujours les raisons en fait, pour Oui. justifier ses actes. Oui. Mais au moins, il m'écoute. Et quand je ne suis pas présent, quand je suis ici, par exemple, il me raconte, il va m'appeler, il va me raconter des histoires. Mais c'est là aussi, j'ai subi un traumatisme de la part de mon père depuis petit, même quand j'étais près de lui. Voilà, comme il me traînait partout. Le mensonge, le fait de mentir, il mentait, mon père, il mentait, mais j'étais choquée qu'un père puisse mentir à ce point pour manipuler, parce qu'il peut inventer et mentir, inventer tout ce qu'il veut de jusqu'à qu'on lui donne raison pour justifier ses actes. Et donc, les choses se passaient là-bas, tout le monde est témoin, tout le monde va te donner la même version, mon père, il va t'inventer des choses pour incriminer ta mère et tes frères, toujours pour se faire bien voir par moi, en fait. Oui. C'est pas sa faute, en fait, c'est la faute de ma mère et mes frères. Oui. Donc j'étais comme ça ici avec lui aussi. Donc, quelque chose que je disais, il m'écoutait pas. La dernière étape avant que je coupe le contact, voilà, quand il a quitté la maison, là, il voulait emmener, j'ai un dernier petit frère qu'ils ont eu très tard. J'avais 17 ans quand ils l'ont eu, il voulait l'emmener avec lui. Mais il s'est passé quelque chose quand ma mère était enceinte de mon dernier frère là. Mon papa ne voulait pas de cet enfant, il voulait la faire avorter. Alors qu'on était déjà grands, il avait déjà fait avorter plusieurs fois, ma maman, elle m'a dit après. On était déjà grands, mais il voulait, parce que l'enfant est venu vraiment comme ça, maman voulait, on était 3, il voulait pas, maman a refusé. Et il a abandonné ma maman pendant les 9 mois de grossesse de ma maman, j'avais 16 ans. C'est moi qui m'occupais de ma mère, il restait même plus dans la maison, il venait, il partait. Parce que comme il était inspecteur des douanes. Il était affecté dans d'autres villes, au fait, en Oui, poste. oui. Donc, il rentrait le week-end. Il peut rentrer une fois par mois ou 2 fois par mois, un week-end, comme il veut. Il faisait sa vie avec ses maîtresses en dehors, au fait. Donc, il venait même plus. Il était au nord à ce moment. Maman, il a délaissé. Maman a vraiment souffert toute cette grossesse-là. C'est moi. Même le prénom de mon petit frère, comment on l'appelle aujourd'hui, c'est moi qui lui ai donné son prénom. J'ai pris soin de ma mère, vraiment, tout ça. Les gens qui ne nous connaissaient même pas quand maman a accouché après, croyaient que comme j'étais adolescente, j'avais 16 ans, j'étais quand même bien. On croyait que c'était ma fille, mon fils, au fait. Par contre, il voulait emmener ce garçon-là après, alors qu'il sait ce qu'on a subi, il sait ce que je ressens pour ma mère, pour cet enfant-là, particulièrement ce qu'il nous a fait subir. Donc, il sait qu'il ne peut pas aller sur ce terrain-là avec moi. Donc, il a essayé toutes les manigances pour me détourner, que ma maman amène mon petit frère-là à l'église toute la nuit. Il tape elle tape, elle bat mon petit frère pour la forcer à aller dans son église là. Mon petit frère ne mange plus, ne dort plus, on le maltraite, mais c'est des mensonges pas possibles. Vous imaginez même pas, parce que ma mère vit dans la maison avec plein de monde, ses propres soeurs, ses propres frères, mon père, qui disent c'est pas possible qu'ils puissent inventer des choses comme ça. Mon petit frère, ma mère ne vous a jamais battu. Allô? Donc, il voulait amener celle. Donc, j'ai dit non. Quand il a fait tout fait pour essayer de me convaincre d'amener ce petit avec lui. Et ça et là, je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu peux tout faire ce que tu veux. Tu abandonnes ma mère, mes frères, tu t'en vas. Mais tu ne touches pas mon petit frère. Tu ne l'amènes pas. Tu le laisses près de ma mère. Ma mère n'a qu'à le tuer. Et ça, c'est mal passé. Mais il savait, il pouvait. Je ne sais pas aussi cette force, cette puissance quand même que j'avais. Il n'a pas. pas, il n'a pas pu amener mon petit frère tant qu'il n'a pas. Je sentais vraiment que si je ne lui donne pas mon accord, il devait avoir que mon accord pour amener mon petit frère avec lui. Il n'a pas eu, il n'a pas amené les parties sans lui. Donc c'est après cette étape-là que j'ai coupé les ponts avec lui. C'est pendant cette étape-là aussi que je cherchais le Seigneur ici. Donc je commençais déjà à avoir un peu d'assurance dans le Seigneur. Oui. Donc je lui ai dit, non, je lui ai tenu tête. Donc comme j'ai coupé le pont pour pouvoir vraiment que le Seigneur, pour couper les liens avec lui, pour vraiment le Seigneur me... Oui. Et là, voilà. Est-ce que tu as, avant qu'il ne meure, est-ce que tu as, lui as signifié effectivement que tu as changé de cap et tu es avec le Seigneur Jésus? Oui. Oh, ça, bien sûr. J'ai coupé les ponts une fois que après j'ai fait mon baptême. Je ne sais plus si je l'ai recontacté après mon baptême ou quoi. Je ne sais plus exactement. Mais il persécutait tellement maman à un moment aussi que j'ai commencé à dire bon là c'est bon, je vais lui les laisser. Et puis un jour, je me suis réveillée, j'ai reçu un message de lui et il pleurait dans le message sur le répondeur. Il pleurait, il disait, ma fille, qu'est-ce que je t'ai fait, moi, ton père, tu as coupé tous les ponts comme ça avec moi, et tu ne veux plus me parler, qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la chose? Et vraiment, il m'a fait tellement pitié, quand j'ai reçu le message, j'ai eu tellement pitié le jour-là, je suis sortie, je suis allée à la cabine téléphonique, là, j'ai dit, là, je vais l'appeler, d'accord, c'est bon. C'est comme si j'ai senti que là, c'est bon, il est brisé, au fait, voilà, je l'ai vaincu. Là, j'ai dit, ok, là, je vais l'appeler. Et je suis appelée. Je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, il me dit, grande soeur, parce qu'il m'appelle tout souvent soeur. Mais grande soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? Je lui ai demandé, tu ne sais pas pourquoi. Il fait, mais non, je ne sais pas. Je fais, mais tu n'as pas lu mon courrier, papa. Tu n'as pas lu mon courrier. Il me fait, mais non, lequel courrier? Il n'a pas lu, je le connais. Oui. Alors qu'il avait lu le courrier, il a fait même un conseil pour appeler ma mère pour... Avec tout ce que lui m'a fait, je l'ai insulté, je l'ai fait ci, je l'ai fait ça, alors que j'ai veillé à ne pas l'insulter, justement, à ne le déshonorer en rien. De telle sorte que si quelqu'un lit mon son, quelqu'un lit vraiment tout le courrier, la personne ne peut que me donner raison et lui donner tort. Je ne sais pas, j'avais ce truc, le Seigneur m'avait donné, je ne sais pas si ça s'agit de savoir quoi dire. Vraiment, j'ai dit des choses, mais je ne l'ai jamais insulté. Et voilà, il me dit non, il commençait à faire la victime, c'est souvent ce qu'il me fait, il a commencé à me faire la victime, à jouer à la victime et tout. J'ai fait, que dans le courrier, il ne sait pas, il n'a pas lu mon courrier. Je lui ai dit, il n'a qu'à lire mon courrier. Il n'a qu'à lire alors ça. Donc, je lui ai dit, ça va, je vais bien, de ne pas me s'inquiéter pour moi, que je vais très bien. Mmh. Et là, j'ai recommencé à avoir le contact avec lui, à lui parler petit à petit. Oui. Et là, il évitait, puisque j'ai écrit dans le courrier, Maïkali, tous ces trucs, j'arrête et tout ça. Donc, il évitait de me parler de ça, mais... Et moi aussi, je ne lui parlais de rien. Oui. Donc, maintenant, quand il m'appelait, c'était des banalités. Bonjour, ça va. Ah, c'est pour prendre de mes nouvelles. Hein, tout va bien. Moi aussi, je dis. Et puis, à partir de ce moment, mon père a toujours eu le diabète. Oui. Et il a toujours soigné ça, plus ou moins. Bon, ne respectant pas les prescriptions, pas du tout. Il faisait vraiment sa vie. Voilà, il ne respectait rien. Mais il a toujours eu ça. Il a commencé, à partir de ce moment, la santé de mon père a commencé à se dégrader. Oui. Il a commencé à avoir toutes les complications du diabète, a commencé à être malade, a commencé. Et moi, plus il commençait à se dégrader, à être malade, plus moi je me fortifiais ici au fait. Oui. Et donc j'ai fait un baptême, j'ai commencé à aller vraiment. Ce truc, on va dire, ça a duré, voilà, cette étape, cette transition a duré, on va dire. Allez, peut-être 6 mois, comme ça, j'ai commencé. Et voilà, j'ai commencé à lui parler. Sa santé a commencé à se dégrader. Ma mère, mes frères là-bas, malgré qu'il les a abandonnés, que ma mère était en crise, ma mère n'est pas lettrée. Ce qui fait que, bon, elle connaissait, elle ne savait pas lire la parole. Donc, c'est ce qu'on enseignait, elle recevait, qu'elle pratiquait. Et elle avait quand même cet amour, comme elle avait vraiment reçu le Seigneur. Elle avait cet amour, elle savait que voilà, qu'elle peut le délivrer, que c'est à elle de faire les efforts et tout ça. Même si on n'enseigne pas, voilà, la soumission de la femme et tout ça, elle, ce qu'elle a reçu comme en allant chez l'apôtre femme là, c'est la femme puissante là, maman, au fait, elle était avant, elle était une femme selon le Seigneur sans avoir la parole. À partir du moment là où elle a la parole, elle s'est libérée au fait. Elle est rentrée dans la union, au fait, sans le savoir, l'ignorance, voilà. Donc, la puissance que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, donc, elle, à la maison, c'était la force, elle priait, criait, elle voyait le feu, elle, voilà, elle envoie le feu, et le Saint-Esprit brûle tous les esprits. Donc, elle est dans ce sang-là. Donc, tout ça qui a fait fuir mon papa, là, voilà. Donc, elle est dans ça. Mais elle continuait à crier avec mon frère et mes soeurs. Moi, je leur disais ici, ils n'ont qu'à le laisser. Franchement, quand j'ai commencé là, j'ai dit, ils n'ont qu'à le laisser dans son truc là. C'est bon que vraiment, j'ai vu vraiment qu'il ne fait que subir les conséquences de tout ce qu'il a fait là. Donc, ma mère, mes frères, ils étaient tout le temps là-bas, toujours être gentils avec lui. Dès qu'il les appelle, il peut les appeler maintenant pour quelque chose, ils vont tous accourir là-bas. Moi, je disais, mais vous n'avez rien compris, laissez-le dans son truc. Voilà, donc au contraire, c'est moi maintenant qui suis. Vraiment. Et ça a continué comme ça, mais à un moment, petit à petit, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur et tout. Et maintenant, il voulait que je rentre. Il commençait à être vraiment très malade. Et il y a ses biens, il a beaucoup, beaucoup de biens, vous imaginez bien. Oui. Beaucoup. Et il voulait absolument que je rentre pour me laisser les biens, pour me léguer tout. De toute façon, ça a été toujours son plan depuis le début. Je savais, oui, les premières études que j'avais faites, il m'avait acheté tout un domaine déjà pour que je vienne m'installer là, construire mon entreprise, tout ça, ça a échoué. Ensuite, il fait toujours des plans pour moi, voilà, oubliant que... Voilà, je n'ai dans sa tête et comment je voyais ma vie, je ne pouvais pas vivre sans lui. Vu tout ce qu'il projetait pour moi, je ne me voyais même pas aller me marier, avoir. J'étais mariée à mon père, en fait. Oui. Voilà. Et donc, petit à petit, mais il m'attendait. Donc, je sentais ici très bien qu'il se disait, il m'a perdu, comment il va faire. Et donc, au lieu de, je lui disais, mais il fallait que je rentre et tout ça, pour qu'il me mette les choses entre mes mains et tout ça. Je disais, mais il y a mes frères là-bas, il y a ma mère. Pourquoi moi? Je ne veux plus. J'ai dit, je ne veux plus rien. Je ne veux pas. J'ai dit, ça a toujours été moi. Il a gaspillé des millions et des millions pour me mettre dans les études. J'ai fait des écoles privées en France et tout ça. Et tout ça, et mes frères et ma mère n'ont toujours jamais rien eu délaissé. Il n'a qu'à s'occuper d'eux. Il n'a qu'à le, je ne veux plus que moi, avec tout ce qu'il a fait, je suis l'aîné. Je vais tout faire. Dieu va m'aider à m'en sortir pour que quand même, que voilà, je ne viens pas dire demain, je ne veux pas, je lui parlais, je disais, mais quand même, tu ne vas pas gaspiller tout cet argent, faire tout ça pour rien, je vais revenir encore produit dans tes mains, je dois m'en sortir pour venir, voilà, t'honorer, enfin, selon le monde, voilà, tout ça. Oui. Et non, il ne voulait rien savoir, je disais, mais c'est quoi ce père qui a une enfant dévouée comme ça, qui veut, et donc j'ai échoué pendant près de, voilà, 8 ans en France, Je suis toujours à être rien, vraiment à errer. Et il veut maintenant que je rentre comme ça encore, qu'il me donne tout et que si je retourne, je retournais dans son emprise, au fait, sous son emprise. Donc je disais, mais pour refuser, entre-temps, comme les études ne marchaient pas en France et tout ça, finalement, j'avais perdu mes papiers d'étudiant que j'avais. On m'avait retiré le titre de séjour. Donc je suis restée sans papier un moment en France à traîner, à faire les petits jobs là, de babysitting et tout ça. Je ne voulais pas rentrer. J'avais une peur terrible de rentrer. Parce que je le fuyais. Je disais, il fallait absolument pas que je rentre. Je dois, en plus, voilà, je venais de connaître la parole du peu que je comprenais. Je savais que le Seigneur allait me libérer. Et voilà. Et c'est comme ça, petit à petit, des gens, enfin, voilà, j'ai une tante, ma sa cousine, ma tante dont je parlais tout à l'heure, là, elle a une connaissance qui m'a dit qu'il faut que je vienne en Belgique, qu'on donne les papiers là-bas et tout ça. Et puis, j'étais réticente, mais au bout d'une année, comme j'errais vraiment, et puis je ne voulais pas rentrer aussi, voilà, je le fuyais, mon père, je voulais absolument m'en sortir, mais j'étais vraiment... je me laissais au Seigneur, au fait, dans mon cœur. Je disais vraiment, le Seigneur va me rétablir, va me restaurer, va me donner une vie et tout ça. Donc, au bout d'un an, j'ai accepté et puis je suis venue aller voir ma tante là et puis avec ces gens qu'elle avait, moi, amené en Belgique. Et j'avais tout abandonné là-bas en France, les appartements, le travail, tout, j'ai tout quitté. Et je disais vraiment, justement, et je parlais à ma maman. J'avais les contacts avec ma maman et tout ça, comment le Seigneur m'a délivré, maman était toute contente et tout, je disais voilà, et ma maman aussi, je disais voilà, les gens, il y a des gens qui me proposent d'aller en Belgique, cela, j'aurai les papiers et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe avec moi. Et ma maman, avec la parole qu'elle avait aussi, la révélation et tout ça, me disait oui, que de partir, que voilà le Seigneur, que j'irai à Cana, que voilà, et tout ça, le Seigneur va me délivrer et tout. Donc voilà, j'étais là, je disais, j'avais plus rien, j'étais vraiment de fille à papa pour y gâter. J'ai accepté d'être, de devenir rien, personne, je n'avais rien, vraiment. Et j'étais tellement fière de moi, là, comme je te disais là, je ne suis jamais corrompue, Voilà, pas les propositions des hommes ou des choses et tout ça pour me corrompre, pour voilà. Non, non, non. Donc, je vivais misérablement et j'acceptais ça en ayant foi dans le Seigneur. Et j'ai tout abandonné là-bas, j'ai tout quitté, j'avais plus rien. Enfin, je laisse tout, voilà, je laisse, je pars, je viens en Belgique, alors ici, je verrai ce que le Seigneur me prépare. Si c'est sa volonté, il va me rétablir, il va me restaurer, voilà. Donc, je suis partie comme ça, les mains vite, sans rien, avec mon sac à dos, et on m'a amenée ici en Belgique. Et quand je suis arrivée ici, les gens chez qui on m'a confié, c'est là où on m'explique que je dois demander l'asile. Et on m'explique maintenant c'est quoi. J'ai fait, c'est dans quoi je suis venue rentrer là. Je ne savais même pas, puisque dans ma vie d'avant, je ne savais même pas moi comment les gens partaient En exil. en aventure comme ça en Europe à chercher les papiers, puisque moi je suis venue vraiment dans les Normalement. voies réglementaires, vraiment avec voilà tout. Donc je ne savais pas, je disais, voilà, j'ai découvert un autre monde. Et il faut inventer une histoire. Et il faut faire ci pour demander l'asile. Je disais, c'est quoi ça? J'ai appelé ma mère. Que voilà, c'est en quoi je suis venue. Voilà, j'ai tout abandonné en France. Je ne peux même plus retourner en France. Je n'ai nulle part où aller en France. Et voilà, les petits boulots que je faisais, même j'avais abandonné. J'ai donné les trucs là depuis. Donc, je savais que des gens m'ont hébergé un peu à gauche, à droite. Après, je suis partie. Après, je mettais au Seigneur. Je disais, ah voilà. Et ma mère, il fallait que j'invente toute une histoire, que je change de nom et tout ça, vu que j'avais de visa à mon père, il fallait changer son nom, vu qu'il voyage beaucoup aussi, on peut me retrouver par lui. Je suis rentrée dans un cercle. Mais voilà, j'avais la conviction vraiment du Seigneur que vraiment, c'est quoi ça? Je suis en train de fuir autre chose. Et moi, j'ai dit aux gens ici, mais je vais raconter l'histoire de Maïkali, la persécution de Maïkali, là. Parce qu'entre-temps, aussi, quand les gens m'ont appelé de là-bas, fatigué, les coordinateurs du centre de là-bas, de mon quartier, m'ont appelé. À un moment, quand j'ai réglé mon compte avec mon père, eux aussi, j'ai appelé ma coordinatrice. Là, je lui ai dit, plus jamais vous m'appelez, d'accord? Vous m'oubliez, j'ai oublié. En tout cas, je sais que j'ai dit, vous m'oubliez, plus jamais vous m'appelez. Votre truc que vous faites là, je ne suis plus dedans. Dieu m'a libéré. Je vais à l'église maintenant. Et je les ai menacés. Et j'ai laissé le message. Comme ça, elle aussi, elle ne m'a plus jamais rappelé. Dès qu'elle a le message, je me disais, je vais voir si elle va même me rappeler pour dire, ah bah, c'est comme ça, ils sont, elle ne m'a plus jamais rappelé. Donc, je leur ai réglé leur compte aussi. Donc, j'ai expliqué aux gens là-bas, je peux raconter, j'ai dit, mais ce que je vis là, c'est déjà tellement intense. Si je vais raconter ça à l'office des étrangers ici, on va me donner l'asile. Et ils m'ont dit, non, c'est possible, ce que je dis là, non, c'est rien, m'a écalé, tout ça, c'est rien, on va me renvoyer chez moi. Rien que l'idée qu'on va me renvoyer dans les mains de mon père, là, c'était même pas acceptable. Donc, ben, j'ai dit, mais si je ne peux pas raconter ça, ils m'ont dit, il faut que je change d'âge, en tout cas, vraiment. Donc, j'essayais de garder quand même le minimum de contrôle. Donc, tout ce qu'on me proposait comme histoire, là, non, non, non, non. Et comme avec mon père et ma famille, j'ai quand même été vraiment éduquée dans l'art de mensonge et de manipulation des gens. J'ai eu, voilà, j'avais cette, comment dire, ce venin-là, que j'ai su quoi inventer parfaitement comme il faut. Depuis le début, quand j'ai commencé, je savais qu'avec ça, j'aurais mon asile sans souci. Et je disais au Seigneur, et je voyais, voilà. Et tu sais ce qui me convainquait, mon frère, Non. la parole d'Abraham, l'histoire d'Abraham, je t'entends souvent dire ça. Abraham et Souvent, Sarah. avec Sarah, mon frère, je disais, voilà, que je suis, voilà, je pars maintenant, que je suis dans le désert, que je suis dans mon désert comme Abraham et Sarah. Et qu'Abraham a dû mentir à un moment. Donc, voilà, le Seigneur permet que je mente. Donc, j'avais pas encore toute la révélation pour voir. Je savais que, puisque je me suis convertie, j'étais toujours dans mais plein d'autres mensonges et tout. Donc, il y a mensonge dans mensonge. Le Seigneur peut comprendre certains mensonges. Donc, j'ai inventé mon histoire propre. Voilà ton histoire là. Bon, maintenant, merci déjà d'avoir ouvert ton cœur pour pouvoir libérer les gens qui se trouvent dans ces sectes-là. En Oui. Afrique, beaucoup de personnes, la pauvreté, et les gens là exploitent beaucoup la pauvreté, les gens vulnérables, ils touchent les gouvernements en allant dans les couches des sociétés. Et maintenant, nous sommes Oui. en Afrique et dans tous les autres, dans le monde entier, les gens t'écoutent. Les gens vont entendre ton témoignage. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment que les gens comprennent? Vraiment, que les gens d'abord qui cherchent Dieu, au lieu de chercher d'aller vers Dieu pour les choses de ce monde, parce que quand on va, parce que je sais que c'est les choses, l'envie d'avoir plus de puissance et de dominer sur les gens qui amènent dans cette domination, c'est ce qui a conduit mon père là. Parce que depuis l'enfant, j'ai vu, je ne sais pas d'où ça a été planté, parce que sa mère aussi est vraiment la mère de mon père, tout le monde, voilà, en Afrique, du que c'est une sorcière, elle est toujours vivante, c'est une sorcière et tout ça, elle est vraiment très forte dans les trucs traditionnels là. Elle amenait mon père partout quand il était petit. J'ai eu comme la conviction, la révélation du Seigneur que c'est elle qui a sacrifié son fils pour qu'il trouve l'argent. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, il doit être puissant et trouver l'argent pour la faire vivre. Voilà. Donc, petit à petit, notre grand-mère nous avait traîné déjà beaucoup de choses au culte traditionnel. Et petit à petit, j'ai vu comment dire, cette puissance, en fait, cette envie malsaine de dominer les gens de mon père, augmenter petit à petit. Et c'est ça, petit à petit, qui amène dans ces abominations, dans ces sectes. Quand tu cherches toujours à avoir quelque chose de plus que les autres, au fait, que tu penses que, voilà, on te dit, ah, ici, tu vas avoir si tu vas avoir si tu vas. Tu commences à aller pour ce qu'on te promet, au fait. C'est ça. Donc, j'enfuis Maïkali, là, fait. Ça fait partie. Ou du moins, quand je suis allée faire les recherches quand j'étais en France, quand j'ai vu le classement des sectes, parce que j'ai vu tout ce qui était classé dans sectes selon les organismes, des enquêtes, ou des trucs en France, là, et tout ça, sur les religions et tout ça, tout ce qui est classé dans sectes et tout ce qui est classé dans religion. Donc, Maïkali est classé dans les sectes. Et dans plus de, je ne sais pas si c'est pas 50 ou combien de sectes, Maïkali, à l'époque, moi, je faisais mes recherches, c'était, voilà, en 2009, je crois, oui. Maïkali faisait partie de la huitième secte la plus dangereuse classée, la huitième. Donc, dans de 50, c'est qu'elle est tellement dangereuse et sournoise. Vraiment, ça part tout doucement, tout gentiment, on te purifie l'esprit et l'âme, on te purifie pour tes maladies là et tout ça, En fait, que les gens fuient alors que c'est le dans tout lavage du ça. cerveau. Alors que c'est petit à petit, tu commences à prendre goût, à te dire, oh, c'est bon et tout, voilà, petit à petit, quand tu commences, tu acceptes de te faire initier, tu rentres dans le cercle infernal parce que petit à petit, on va te détourner vraiment du vrai Dieu en te faisant croire que c'est le vrai Dieu. Et c'est la preuve aussi que quand on aime le Seigneur, on cherche le Seigneur vraiment, il ne laisse pas ses enfants dans ces trucs. C'est pas possible. Parce que je n'avais rien, personne n'est venu me chercher. Ma mère a tout fait pour me convaincre de quoi que ce soit quand elle est partie dans son église évangélique là. Ma tante ici me persécutait aussi parce que le ciel a connu le Seigneur, elle n'avait pas la manière. Tout ce que ma tante faisait envers moi, elle me donnait qu'une envie, c'est de fuir. Plus le Seigneur, parce que j'ai dit, si c'est comme ça, parce qu'on connaît le Seigneur, voilà, voilà, donc, non, et c'est vraiment ma soif, mon envie, mon désir de connaître Dieu, et je me dis vraiment, cette histoire de prédestination, c'est, depuis petit, j'avais toutes mes convictions en moi, ce qui était en moi, je l'ai vu dans la Bible, point, c'est tout. Donc, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Je vous assure, j'ai lu les documents les plus hauts trucs là, les enseignements les plus de Maïkali là, les plus évolués possibles. Il n'y a plus rien. J'ai fait des recherches, les sectes, tout ce qu'il y a là. J'ai lu tellement de choses, il n'y a rien. C'est la Bible. Quand on retourne, c'est la Bible. C'est la seule chose que l'ennemi a détournée vraiment pour détourner vraiment les gens de Dieu, quoi. Vraiment. Voilà, et dans les sectes, ils essaient d'écarter les gens de la Bible en disant que la Bible, c'est pour les écervelés, c'est pour les gens de bas niveau. Ils essaient de lever leur livre au-dessus de la Bible, alors qu'en réalité, la Bible se trouve la vérité. C'est ça exactement. Parce que dans Maïkali, il y a beaucoup, beaucoup de vérités. À un moment, par exemple, voilà, il ne faut pas prendre de médicaments, détruire le corps, on met les toxines, donc les produits chimiques, tout ça, tout c'est des toxines et tout. Mais moi, en méditant la parole et en restant dans la communion avec le Seigneur, le Seigneur m'a révélé dans sa parole avec le Saint-Esprit petit à petit en quoi nous détruisons le corps de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a révélé ça à travers la Bible, la méditation, la communion avec lui. Donc, ils ont pris petit à petit plein de choses que. Petit à petit, quand ils t'exposent ça, tu réfléchis, tu dis, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Tu crois que c'est eux qui ont la vérité, au fait. Oui. Mais la vérité était dans la parole avant. Bien. Amen. Si ces gens-là ont bien étudié la parole depuis longtemps et l'ont détournée à leur fin pour asservir les gens, c'est tout. Voilà. Ma soeur, adresse-toi à ceux de ton pays. Parce que la dernière fois, nous avons entendu qu'il y a même les proches de Mathieu Kérékou, je crois, si c'est le président. Il doit seulement avoir des gens autour de ton président, sans même parler, même peut-être de ton président, des premiers ministres, et bien même du gouvernement, des gens de la famille, de Oui. ton pays qui se trouvent dans ces sectes-là et bien dans d'autres sectes. Adresse-toi à eux. Moi, je sais, les gens, les Béninois, ils connaissent tous Madame. Madame Elie, c'était un bras droit de Mathieu Kérékou. C'est cette dame qui m'a amené mon père dans cette secte et je la connaissais très bien, on la fréquentait très bien. Mon père m'amenait tout le temps chez elle. Et elle a fini cette dame pendant les moments de gloire, de créer cette dame, tout le monde la connaissait. Elle a fini dans des situations misérables après avoir échoué dans Maïkali, a fait tout la supérieure là, de Maïkali. Comme mon propre père est mort dans des conditions misérables aussi. Cette dame, à la fin de sa vie, elle habitait dans une maison d'une pièce ou de deux pièces, une chambre louée dans une maison. Quand mon père m'a amené là, je ne pouvais pas croire parce que l'idée qu'on a de madame, mais de toute façon, quand les gens la voyaient, parce que elle avait toujours et sa fille, c'est sa fille. Ce que je dénonce là, mon Dieu, c'est une grande journaliste très renommée au Bénin, mon frère. C'est une des grands journalistes très renommées au Bénin sur la chaîne nationale de ORTB, la chaîne nationale du Bénin. C'est pour ça, depuis mon frère, quand j'ai commencé à te parler, tout ce que j'ai subi ici, je sais, c'est que j'ai les forces des ténèbres, même hier encore, je disais, mon Dieu, mon frère, il se prépare tellement des choses dans les ténèbres à cause de moi. Et grâce à moi, je sais. C'est pour cela qu'on a dû arrêter pour entrer dans l'intercession et dans la prière pour pouvoir continuer ainsi. Oui, vraiment. Et cette sa fille, voilà, elle fait partie des plus grandes. Et je me disais, parce qu'elle est mariée aussi à un grand journaliste là-bas. Oui. Et je me disais, mais comment eux, les plus grands, les voient à la télé tous les jours? Là, la dernière fois, je suis encore allée au Bénin. Elle était toujours à l'ORTB. Voilà. C'est comme la Claire Chazal de TF1. Oui. Et je me disais, comment sa mère peut vivre comme ça? Je ne comprenais pas. Mais elle sait ce pourquoi elle a atterri là, comment elle a atterri là, elle a fini là, sa mère. Hein. oui Et donc, adresse-toi donc à c'est elle et à tous ses compagnons. vraiment, vraiment, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue, madame. Je ne l'ai jamais vue dans cette secte. Elle n'a jamais, à ma connaissance, pratiqué ça avec sa mère. Parce qu'on ne peut pas ne pratiquer ça, ne pas venir au dojo, on ne te connaît pas. Mais si vraiment, à cause de sa mère, ou grâce à sa mère, des gens sont encore enroulés dans ça, vraiment qu'ils sortent. C'est eux tous là, dans les gouvernements, voilà, dans les hauts niveaux, ils savent tous dans quoi ils sont. Mais moi, j'ai pratiqué l'art de Maïkali et j'ai été l'assistante de Françoise Adifé à Paris. Donc, une des plus grandes responsables de cette secte-là, connue mondialement. Et je sais de quoi je parle. Dieu m'a délivré de ça. C'est diabolique, c'est démoniaque. Et les enfants, et la malédiction qui vont sur les enfants, parce qu'ils font un culte aux ancêtres, mon frère. Et mon père voulait absolument que je rentre pour vraiment établir cet hôtel-là, pour faire le culte. Parce que comme ma mère, mes frères sont sortis de ça, je devais. Ils savaient avec qui il allait faire ça, parce que c'est tout un culte, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il fallait absolument que quelqu'un le fasse. Et j'ai refusé exprès. Ils voulaient instaurer aussi, parce qu'après l'initiation supérieure au Japon, ils peuvent instaurer aussi l'hôtel suprême dans leur maison. Dans leur maison, ils voulaient faire tout ça. Ils attendaient que je revienne pour ça. Et j'ai refusé. Le Seigneur m'a délivré de ça. Et je me suis détournée de tout. Le Seigneur m'a mis à cœur de me détourner de tous ces biens, parce que c'est la malédiction. Et la malédiction est en train De de s'infiltrer dans la famille. poursuivre. Oui. De sévir dans ma famille jusqu'à maintenant à cause de ces biens et tout ça. Je suis allée plusieurs fois. J'ai réussi à reprendre contact avec lui après que le Seigneur m'a délivré. Quand je suis allée en Belgique, il m'a appelé, il m'a dit, À un moment, il était tellement malade aussi. Je lui disais, papa, tu as... Non, je lui... il m'a dit, eh, depuis que tu es en Belgique, tu as trouvé un dojo pour aller. J'ai fait, papa, ne me parle plus jamais de dojo. Je n'irai plus jamais dans aucun dojo de Maïkali en Belgique. Si le Seigneur m'a délivré. Ce que le Seigneur m'a fait, c'est moi qui sais. Et je te conseille, si tu as une Bible, je t'en supplie, mon papa, prends la Bible, commence à lire. Lis ta Bible. Il me disait, oui, d'accord. Il s'est laissé petit à petit mourir. Il disait qu'il n'avait pas d'argent pour se soigner. Je lui ai tout fait. J'ai trouvé des spécialistes ici. J'avais un médecin, un ami médecin ici, qui connaît des grands spécialistes dans tous les problèmes qu'il avait au Bénin. On a pris des rendez-vous, on a tout fait. Il a refusé. Il s'est laissé mourir. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. La transition, le lien qu'il avait avec moi, j'ai coupé ce lien et il n'a pas survécu. Le Seigneur m'a convaincu, il n'a pas survécu à ça. Parce que j'ai dit non, j'ai coupé, j'ai survécu et mon père est mort. Et quand je suis rentrée pour son enterrement, j'ai parlé, vraiment, j'ai dit beaucoup de choses. Mais mes frères, mes mères, ils sont toujours en train de se battre pour ces biens-là et tout. Je suis encore rentrée il n'y a pas longtemps. Je l'ai encore parlé, les biens de mon père. Mon père, ma mère, mes frères sont persuadés ils sont en train de faire tout le temps le combat spirituel, que l'ennemi libère les biens, parce que si je dis, mais c'est pas que l'ennemi rendait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas que l'ennemi libère ou les ténèbres libèrent les biens de mon père pour qu'on en jouisse, pour que les problèmes arrêtent. Je n'arrête pas de leur dire, les biens de mon père appartiennent aux ténèbres. Je n'ai rien à faire avec les ténèbres, je n'ai plus rien à faire. Donc j'ai refusé tout. Si mon père est des domaines, des biens immobiliers, de l'argent, en fait, tout a été dilapidé. Mon frère, lui, il est dans les églises, la prospérité du royaume maintenant dedans, là. Des catanous, tout ça, là. Donc, il est enrôlé dedans de régner maintenant, là. Il ne m'écoute pas, aucun de nous m'écoute, je intercède pour eux. Ma mère est toujours chez la prophétesse, là, l'apôtre, là, donc ils sont dans un autre. Oui, mais ton frère veut prendre seulement le bien de ton père et ténèbres pour régner comme roi sur la terre ou quoi? Oui, c'est ça. Et justement, mon petit frère, il est allé jusqu'à carrément, il s'est installé dans la maison où vivait mon père, là. Il s'est installé dans la suite où il vivait et avec, il s'est marié, il s'est installé là avec sa femme et il a empêché ma mère, mes frères. Mon frère est devenu autre chose carrément. Mais en allant à l'église, hein, et il se base sur, il est en train de régner maintenant, mon père, mon frère. Il est devenu chose complètement. Oui. C'est tellement triste. Elle est en train de régner. Oui. Mais leurs vies ne font que se dégrader. J'ai plein de demi-frères. Leurs vies ne font que se dégrader. Donc, il faut vraiment que les gens s'éloignent. C'est une malédiction. Ils font un culte aux ancêtres, un culte aux morts, avec tout un cérémonial. C'est tout luxueux, c'est tout chic. On croit que voilà. Mais c'est juste qu'on a abandonné nos cultes parce que nous, ces trucs, on vient, d'une région aussi, du Togo, où on faisait tous les cultes, là, des ancêtres et des morts, là, sauf qu'on les faisait, les trucs étaient par terre, on verse de l'huile rouge et tout ça, mais c'est les mêmes trucs, mais c'est juste un luxe, un mode luxueux, on croit que, donc, tous ces trucs, je me disais, mais autant aller continuer à adorer mamie ou à taille, à faire tous les rituels, que de se ruiner la santé et l'argent pour faire le luxe, alors que c'est les mêmes choses. Voilà. Donc, tout ça, tu sais, les gens ne se laissent pas aveugler, mais s'ils veulent continuer à faire les cultes à leurs ancêtres, autant continuer à faire ce qu'ils font là, que de suivre Maïkali, de croire que c'est Maïkali qui a la divinité, c'est là où il y a le Dieu suprême là. C'est faux, et c'est des malédictions, mais le Seigneur m'a révélé des choses. Et c'est des malédictions, j'ai prévenu. Mon frère, hier, ma petite soeur qui vient après moi a perdu son mari, qui a eu une attaque. Il a eu un AVC le jour où j'ai commencé à parler de toi, à te parler. Oui. Mon beau-père a eu un AVC, c'est un jeune, il a à peine 33 ou 34 ans. Il a eu un AVC, il est rentré dans le coma depuis le jour où j'ai commencé à te parler. Jusqu'à hier, il est décédé. Oui. Le jour-là même, j'ai eu une grosse dispute avec mon mari qui a explosé. Oui. Et cette dispute n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, en réalité. Donc, c'est ta plus grande dispute. Grande dispute. Et c'est même pas une dispute de ma part. Moi, j'essayais de lui parler. On essayait, c'est qu'il ne pouvait pas m'entendre. Oui. Il ne pouvait pas m'entendre jusqu'à il a explosé. Oui. Et il y a quelque chose qui a explosé en lui. Oui. Et je sais très bien c'est quoi. Le Seigneur est à l'œuvre, n'est-ce pas, ma soeur? Voilà, oui. Donc, en clair, tous ceux qui nous écoutent maintenant, dans tout le monde entier, doivent comprendre que la secte Secure Maïkali, c'est une secte tellement dangereuse, subtile, comme le serpent qui glisse dans la maison sans qu'on ne comprenne, et en voyant que cela l'a mordu. Mais le pire, c'est que ceux qui sont dedans encore, Oui. mais c'est que la malédiction, c'est vraiment comme la parole de Dieu, c'est que la malédiction sur la descendance est terrible. C'est Mais ils ne terrible. se rendent pas compte. L'Esprit m'a révélé tout ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné la force de sortir, de dire non à tout ça. Mon frère, j'avais juste à rentrer en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je suis partie encore la dernière fois, il fallait juste que je reste, je prenne les rênes. Parce que quand je parle dans ma famille, tout le monde, quand je dis quelque chose, ils le voient, ils voient comment ça se passe. Et tous mes demi-frères et tout le monde veut absolument que je reste, je prenne les rênes pour gérer les biens de la famille de mon père. Et tout le monde sait que si je le fais, que ce soit dans ma famille de deux côtés, il n'y a que moi qui peux faire ça et tout va. Et j'ai dit non, je ne veux rien faire. Laissez tomber. Oui. Si vous continuez, c'est la mort. Mais ils ne m'écoutent pas. La malédiction sur la descendance est terrible. Sauvez vos descendants. Que les gens, ils aient peur, même si ce n'est pas pour eux-mêmes, que pas que pour les choses de ce monde, pour l'envie d'avoir des puissances. Parce que quand on te vend ça, tiens, tu te dis que tu vas faire une initiation, tu vas pouvoir transmettre la lumière aux gens. Mais c'est quelque chose. C'est des trucs qu'on voit dans les films, on te propose ça comme ça. Mais c'est juste là, si tu te dis. C'est parce que tu as envie de waouh, de pouvoir avoir une puissance où toi tu peux avoir de l'effet sur les gens, transmettre quelque chose aux gens qui te pousse à accepter de rentrer dans ce truc. Oui. Mais Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Amen. Et Dieu ne va pas, voilà, c'est ceux qui restent humbles que Dieu ne voit pas. Quand tu as envie de dominer sur les gens, d'avoir une puissance, une force sur les gens, ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue à te fortifier dans cette marche-là, cette longue marche, puisque c'est lui qui t'a attiré à lui. Il est puissant pour te garder et pour garder tout ce qui t'appartient, tous les tiens, tes enfants et puis ton mari et même toute ta famille. Nous le remercions franchement pour ce qu'il a fait pour ta vie et pour ce qu'il continue de faire. Et nous le remercions d'entrer, sachant qu'il va prendre et utiliser ton témoignage pour sortir les gens de beaucoup de sectes. Il n'est pas question seulement de Sukio Makaeli, il y en a plusieurs noms. Mais pour tous ceux qui ont soif de la vérité, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est justement lui qu'on rejette dans les sectes, dans toutes les religions, c'est lui qu'on rejette. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque se confie en lui ne sera point confus. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen, amen, gloire à Dieu. Et, be Merci. Et beaucoup de courage, beaucoup de courage. Je sais que nous aurons encore une autre deuxième partie des témoignages de ta Oui. vie, parce qu'il y en a plusieurs choses. C'est 8 ans de vie, où tu ne peux pas raconter ça en l'espace de 3 heures comme ça, c'est pas évident. Voilà, il y a l'autre côté aussi maintenant, il y a un deuxième côté que je dois te raconter après aussi. Oui. Alors, tu prends un bon moment de repos devant le Seigneur et qu'il te fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es qui donc pour comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. La grandeur de Dieu, les mots me quand j'étais malade. Tu t'es révélé à moi en me guérissant. Si tu es mes desseins, il sait pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire aussi. Même au-dessus de mon imagination, car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que. La grandeur